bienvenue sur Canal Sud de 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance, qui va donner suite à l'émission Nuisance. Donc l'émission Nuisance, émission de freestyle hip-hop, avec les gens qui veulent se présenter ou pas et qui participent. Pour l'instant, j'en suis à mettre le micro, si tout le monde m'entend bien. Ça devrait être bon dans à peu près 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 seconde. Ok, 92.2, Nuisance. Yeah. On débarque en puissance. Nuisance. Instrumental, dur. 92.2, Canal Sud. Sans hard. P. Si vous mitez, tous les jours faut ou pé se chercher, résister. Pas ni rien si la tes garçons grippés sa compté. Trop trip café que au final y'a pas les servoirs. Viens nous, garçons, nous que goûmer pour un victoire. Optimiser, garçons, pas ni temps pour rester en trou noir. Espoir si même si y'a tout y'a là qu'a fait bon débat. Vie nous ramener toujours des rires, des en la vie. Même si au cas ouais que au final y'a pas des guillotines. Trop trip pour j'en passer, c'est pour ça ou la qu'a subi. Trop trip café que tous les jours vie investi. Ici pour ou ça investi. Travail, underground, toujours la musique est fessée. Même si au cas ouais la vie difficile. Trop axi la tête, garçon, faut pé ça construit. Vie nous ramener à dans la rue, même si ou écrit. Vie que nous café que tous les jours y'a qu'à chercher des tuyaux. Vie nous ramener en la rue, mais au cas ouais que ni déception. Et oui, j'ai jodi. Trop trip qu'a fait, faut y'a moins en la rue. A café qui j'en sais yo, même tout c'est qu'a payé, oui. It's the need money. Qui a fait que tous les jours, y'a tout y'a qu'à chercher des trucs, frère, pour la monnaie. Y'a toujours qu'à chercher, toujours à des cerveaux. So hard, my life is so hard. Welcome to my round. Life is so hard, eh. So hard, my life is so hard. Hustling every day, so hard, tu sais déjà, ici c'est difficile. Faut garder le cap et puis ne pas dévier. Trop de cap, il est viant. Désolé, trop de gens qui sont en train de récupérer dans l'évier. Tous en train de cuisiner, d'usiner. On dirait Homer ta musique. Désolé, mais à la fin y'a trop de meurtres à l'usine. Ou alors trop de suicides. Dis-moi qui décide, qui atteint la cime, qui veut jouer aussi. C'est pas les gens y'a fait chercher à détruire nous. Même si au cas vrai que y'a pas y'a pas convaincu. Mais faut vous savez que tous les jours nous là. Et tous les jours nous pas fait combat là. Oui, nous soldats, ouais. Et oui, on a eu la force avec que nous toutes nous c'est des soldats. Ou pas, pas ni qu'on s'aille au café, une bosse à ici au foie. Tout ça en j'avais, café, qu'un carreau consommant, et toujours un café, un café. Pas ni rien qu'à changer, tous les jours on a essayé, garder pour progresser, constater. Comme la bataille contre les Allemands. Mais qu'est-ce que je kiffe dans le rap? Moi, c'est le mic, le maniement. Mais dis-moi qui ici ment. Trop de faux MC, donc s'il vous plaît, arrêtez de parler. Ici c'est loose tout, tu connais, c'est pas Harlem. Ici tu loose tout, bref c'est à peu près pas la même. Non désolé, j'arrive ici, y'a pas de parallèle. Une deux survêtes pelle-pelle, tu t'es tout fait braquer. Que des sacs à l'arraché. Désolé, je suis venu te bâcher. Plaisant sur le playground, underground pour te cacher. Shop music. Music. Ça. Pas les baillots, c'est du freestyle. Pure music. Mec, qui j'en ou TV, qu'elle nous vibre. Qui j'en ou TV, qu'elle nous vibre. Mais tous les jours, toujours les mêmes, qui qu'a subi. Toujours les mêmes en la vie, il y a qu'a subi. Yo la qu'a mené, font tourner. La rue la qu'a roulé, font entamer. On va changer, pas changer. Et tous les jours, on va songer. Et puis on nous, même si des fois on va sortir en la vie. Et puis, imagine, vous savez que au final, t'y ni en nuit, vie. C'est toujours plus. Vise, toujours plus. Life is. Café que nous ramène en la vie. Et y'a qui constate. Tous les jours, nous pas chercher tous les jours. joue à zimbé, mais pour ça. Viens par ici, je te raconte la dérivée. Ok, c'est l'atterrissage, donc fais sauter les rivets. Toujours en train de s'amuser, ou bien alors de s'immiscer. J'suis posé au MBC, j'suis venu m'immiscer. C'est Scargy, Sonji, nuisance ici. T'entends la puissance, c'est comme un but de Messi. J'entends parler de Real Madrid, mais qu'est-ce qui t'habite? Et à la fin, pourquoi tu restes au tapis? C'est Celle, même si ça crie elle, tel, que yo li ni se quel. Pise, toujours plus près. Oh, a triste, so a ouais. Pas la peine jige, j'en oublie. Dans la vie, nous pas garder pour nous pèse à tous les jours, m'en avancer. Ouais. Attends, faut que ça monte. Ouais, les frères sont impatients. Ok. Ouh. Brand new. Ok. Hey. Sanji, j'arrive ici et puis je remets ça. 3 buts dans ta lucarne, c'est le Messi au Barça. Toujours en train de s'amuser ou de faire le civilisé. Désolé, j'ai tout analysé, je vous ai dans la visée. Ok, c'est comme ça que je m'amuse ici. Bah, je représente pour ceux qui traînent dans le team en bas, ceux qui marchent anti-m'en bas. Ok, bon, c'est comme ça, je te mens pas. Et puis le reste, le rap game, en vrai, je m'en bats. Ok, donc c'est comme ça que nous on remet ça encore une fois. 3-0, toujours le Messi au Barça. Non, désolé, maintenant. J'entends parler de Cristiano, y'a pas d'instru violent tant qu'elle n'est pas faite au piano. Mais j'en l'ai encore installé aussi flow là. Mais j'en musique là qu'a déroulé, freestyle comme ça. Mais que c'est notre 92-2, j'en ai dit. Musique nuisance, c'est ça, pas nous contre dit. Chacun dit ce qu'il dit, chacun fait ce qu'il fait comme il veut. Mon frère, y'a pas d'embrouille, mon frère. Mais tous les jours, manque à garder pour développer. Avec un des frères, tout jouer là, nous bien sous des veines. Bon, dans l'enveloppe, faut pas rater le coche, cache monnaie. Une embrouille, c'est cache, tu connais. Cache qu'on est là. Non, désolé, je rapperai même ma capella. Une pensée pour ceux qui sont dans l'au-delà. C'est que des propos sensés. C'est en train de carburer qu'avec de la scène. C'est ok, bon, c'est comme ça, en train de teaser. Désolé, les faux MC finiront traumatisés. Tiens, c'est la dureté, la chienté, la méchante. Rie, et pour moule, en la rie. Et pas carré, et pas carré, détruit. Et yo caché chez tous les jours, détruit. A famille qui a fait que tous les jours. Fais un mec à mourir, yo, comment on la rit? Et ou qu'à vous qu'est pas ni mourir? Tous les jours, faut mourir. Investir pour on fait entreprise. Entreprise pour on fait ça, toujours le chef patron. Ou à ce garçon, nous c'est toujours mauvais garçon. Et on la rit, nous capons plate, panne glaçon. Et si au frère, mes garçons, toujours frère, et dans l'action. Et pas ni temps pour nous pépé dans la rit, là, ni garçon. Ni temps jouer les méchants, ni jouer les mauvais garçons. Et si on passe à l'action, passe la transaction. Ouais, des gueux font faction, c'est pas grave, passe la rancune, trop de rancune, trop de rancœur. Trop de haine dans le cœur, désolé. Bon, c'est du freestyle, que des coups à la taille, que du cassage de ratage. Passe les montagnes de la classe. Écoute pas de raciste ici dans la plage, calcule pas les races. Quoi, désolé, je t'arrache comme la Harissa. Fils, ton fait ça bien, mais surtout fils, ça c'est. C'est un garçon, et nous nous sommes un garçon. Nous nous rappelons ça, garçon. Et oui, nous rappelons ça, garçon. Sale garçon. Papa jouait le mauvais garçon. On prend ça la haine. Ils n'y sont. Le freestyle est toujours dans le son. On fait ça de la bonne façon. Écoute, y'a pas de contrefaçon. Ça rappe même à capella. Encore une fois pour le de là. Écoute, y'a pas de rap zélé. Non que du rap de Zoulou. Je rappe d'ici de Louz tout jusqu'à Honolulu. Hey. Ouais, faut c'est s'amuser. Ça. 92.2. Des Scargy, Sanji. Canal ouais. Sud. Al. Yeah. 92.2 FM. Ouais. C'est Canal Sud. Ouais. Puissance pour elle. Émission en puissance. Ouais, ça tape dans les tympans, ouais, ça tape dans les tympans, ok. Ouais, ça tape dans les dépenses, ça tape tape dans les tympans, ça tape dans les tympans. Si tu l'entends pas, je te l'apprends. C'est ça tape dans les tympans, ouais, ça tape dans les tympans. Si tu l'entends pas, je te l'apprends. Et ce rap, t'es dépendant, ok, t'es dépendant. Putain de toxico, donc c'est pas grave puisque je parle en mode frisson d'assaut. Donc désolé, un peu d'un frisson dans le dos. Ok, bon, j'arrive ici et quoi, des trucs dans le sac à dos. J'entends de 10, de 15 et puis des 20, des 25. C'est pas grave puisqu'à la fin, je veux un 5 à 7 avec ta conquête. Désolé, tu vois, j'ai déraillé. C'est pas grave, à la fin, le système nous fait tous les jours dérouiller. Ok, bon, c'est comme ça, j'arrive ici, je remets ça en train de m'amuser sur l'instru. Écoute, y'a pas de bar, ça, j'entends parler du 9-4. Loose tout dans la place, Canal Sud, tu connais déjà. On est à l'poser chez Al, la Mifa, comme d'habitude. Ok, bon, c'est comme ça, les keufs nous mènent la vie. J'entends parler de vénère, mais bon, ça, c'était à l'ancienne. Désolé, 2014, trop de meufs sont enchaînées. Donc, c'est Sonji, et qui est soldat de Ja. Tu connais déjà, j'arrive ici, bah, je te mets sur le terre, pas ou bien alors sur terre-terre. Désolé, je fais du business de diamant à envers. Je te la mets deux fois à l'endroit ou trois fois à l'envers. Ok, bon, c'est pas grave, je te la juste des putains de verres. Un verre, c'est sévère, mais c'est vert comme de la CNC. Toi-même, tu sais, ce n'est pas le temps de renoncer. Faut avancer, avancer, avancer. Yeah. Avancer, avancer, c'est former, de reformer. La destruction n'est pas pour nous, ça c'est fait. Avancer, avancer. Un seul choix, il faut avancer. Avancer, avancer, avancer. Faut s'avancer. Avancer, avancer, avancer, avancer. Avancer, avancer, avancer. Et surtout, les deux pas en cadence. Ok, bon, c'est comme ça, je n'arrête pas de danser. On est venu juste pour vous ambiancer. Oh, c'est comme ça. Désolé, j'ai bafouillé sur des bas-fonds. Mais à la fin, j'esquive la fouille et je me fais pas douiller. C'est avancer, frère, avancer, avancer, frère, avancer, avancer, avancer, avancer, frère, avancer, les mots j'ai des malades, tu prononces, avancer, avancer, frère, les mots j'ai des malades, faut le faire, avancer, faut le faire, avancer, avancer, faut le faire, chaque choix, avancer, avancer, les mots j'ai du mal à les prononcer, tu feras avancer. Sûrement et doucement, bien sûr. Pas faire les choses bêtement, sinon tu finis en mode surendettement. On se mélange entre les corses et l'arbre. C'est pas trop. Mais bon, c'est bon. Je crois que. Ouais, moi aussi je suis désolé. Yes sir, c'est cool. Bonsoir. Bonsoir. Ça c'est du lourd, ça c'est du lourd. Non, vraiment désolé, excusez-moi. Non, pas de soucis. C'est ça au fait? Non. Non. M. Yes, Zimmer, Al. Yes. Big Pense Bayo, what's up mon niggas? Ne pas goûter bail, what's up c'est la vie. Hey. Un système qui pas tes douettes, savent qui j'en s'arrête. Savent ça nous j'appelle et au final qui j'en raid. La ville a toujours gain raid, toujours y pas mède. Et ou pas vrai que au final y pas ni en mède. Nous c'est humain pas ni en mède. Et nous pas en mède. Assez la tête fort ou chercher weapon sur y arrêt. Tous les jours s'arrête, ou mais pour optimiser. Accepter qu'un y défait dans la vie qu'arrivé. Échec qui toujours aide, et ou pas vrai y raid. Ou pas vrai que au final y pas ni en mède. Et tous les jours fort compliqué. Désespéré ça c'est vrai. L'esprit à mon au final pas qu'à jamais changer. L'argent qui qu'a monté, l'un n'est qu'à passer. Pi en caille, pi en ca ka vrai fort mon pays a fumé pas ni les monde qui ka jouer a c'est les blocs yo ka triper mais au final ka vrai ka yo pas ça pa yo TV ka yo TV pour yo périver optimiser pour yo pe chercher des choix frère pour yo river mais au ka vrai qui j'en ça y est yo conditionné système a yo français ça c'est vrai pas ni rien même ka changer et écouter tout ça nous que parler fort garçon écouter pas ni rien parole yo la canille yo la canille système qui pas qui doit ça qui j'en perd ou ça ça nous j'appelle qui j'en rafile à sa red. Hey, Al, tu peux la remettre à zéro celle-là, s'il te plaît? Ouais, ouais. Ok, ça c'est du pull-up direct pull-up. Live. Ouais. Ouais. Ça annonce du sale! Bye, sing pour tous les frères qui. Ouh, mon frère, c'est Soldiers. Ouais. Dans un système qui est red. Tu connais déjà? Dureté des choses. Oh, ok, écoute celle-là. Ils veulent ta solidarité, ça t'anéantit. Elle ne fait que se raviver, donc on est anti-nanti. D'apparence antipathique, dans le fond, force sympathique. L'argent nous attire en partie, c'est pour le profit qu'on pratique. Et qu'on se tire dans les pattes, des fois plus question de potes. Les hauts du système t'ébattent, mais toi t'es que leur despote. Tu regardes tous leurs débats, mais regarde, c'est la débâcle. Système défaillant, décadent, avançant, se dégradant. Y'a même des sans-papes à côté des RG, en train de faire les 100 pas pour pas se faire piéger. Regarde au bled, ils pensent qu'il y a de la Tunisie. Et les Français pensent qu'à se barrer au Maroc ou en Tunisie. Ça quitte son attache en avion, bateau. Barque, mais pas de carte ici, il tape ses 50 euros le jour au plaque, les nantis on l'emprise. Mais là sa parenthèse et pour l'état c'est la hantise. La reine du système, mais personne ne s'en soucie. C'est tout pour 6 sous, tu béton c'est pas du sursis. Sûr que c'est du rissi, entre endoctriné et humain endurci. Chaud, faut trimer entre leur business et ton profit. Système qui pas tes douettes, vous savez ça nous j'appelle. Vous savez que le système aille au finalement il toujours aide. Et là ça nous pèle. Ok. Système qui pas tes douettes, vous savez pas ni en m'aide. Vous savez ça nous j'appelle qui j'en vis en nous ité red. Tous les jours faut nous goumer pour nous ça toujours vivre. Et ou pas vrai qui j'en au final garçon faut goumer. Faut ouais ça pour périer. Aïe bac à nier. Ton frère en moins au final man, tous les jours qu'a changé. En regardé qui j'en yo yé. Faut m'en développer. Faut m'en développer. Saleté, jungle, c'est avec des peines qu'on jongle. Salon les empiles, ça va de pire en pire. Ils veulent de l'honnêteté, regarde leur système monétaire. Envie que Dieu fasse tout brûler avant que l'on m'enterre. On dirait que celle-là était violente. Nuisance, ouais. Pardon, c'est ma faute, c'est nuisance ici, hein, pour tout le monde. Ça nous appelle, ça fait qu'ils ont fini la fois. Je vais te la remettre bien, celle-là. Annie en mer, tu es belle. Ou pas avec un ni trop frère, moi qui toujours pèle. Et puis après, qui j'en s'arrête, c'est toujours que t'appelles. Si passé la tête, nous j'ai passé, moi s'arrête. Et tous les jours, faut nous pégou, mais il défi qu'à vrai. Ou ça fait j'en aille. Et tous les jours, faut moi affirmer facilité. Nous pas compter, ça c'est vrai. On peut pas chiffrer, on pas bizarre parler, pas ouais, c'est vrai. On s'affaire molé, on pas bizarre, on vieux pour un vrai. On savoir où il est, on savoir qu'il est vrai, on savoir qu'il est vrai. Tous les jours faut moi pèse garder pour moi pèse river. Milité assis en mêle cause et rien pas jamais changé. Puis en cache seulement l'âge tous les jours qu'a monté. Puis en cas vrai, c'est seulement l'année qui a passé. Toujours la poser, c'est pas le temps de se reposer. Et je n'arrête pas de poser. C'est pas le temps de se reposer, donc je n'arrête pas de poser. Elle est où la poser? Désolé, j'ai tout endossé. C'est comme ça qu'est le numéro qui est marqué sur le dossard. Et si trop de cossards, écoute-moi, je bosse tôt ou tard. Hey. Pas sa veille, pas sa veille. Au final, ça ouvert ma bouche à passer. Ou j'a passé, ou pas vrai que j'en s'arrête. Et toujours bandé, bon bandé. Rien pas changé, c'est l'année qu'a passé. Qu'a passé, ou pas vrai au final qui j'en tout mouillé. Et yo tout yo là qu'a oublié. Oublié, oublié, et si ou pas douté. Cherchez un froid garçon pour vivre, vivre. Pas à veille, pas à veille. La vie là tous les jours ça nous j'a passé, j'a passé. Trois petits pans la vie qu'a fait, yo qu'a joué, yo qu'a joué. Yo qu'a joué, yo qu'a joué, yo pas à veille. Finalement ça yo te veille, yo te veille. Yo qu'a check goué, yo des frères, yo qu'a tué, yo qu'a tué. Des mains belles en joue, belles en moué pour tuer. Pour yo tuer. Vous êtes sur Canal Sud. Al, je vais pas poser un son avec toi. Oh, avec toi? Ouais. Ouais, vas-y. À toi le nard ou à moi le nard? À nous. À nous. On va voir. En freestyle. Vas-y, ben moi je connais pas bien vos sons, mais je vais essayer. Bah, mais nous non plus. Franchement, on a fait une sélection. Non, mais t'inquiète. Hein. Voilà. T'inquiète. Par contre, j'ai plutôt le faire en anglais un petit peu. Ça dérange pas. Y a pas de soucis, ça me dérange même pas. Ok, c'est cool. Ce qu'on avait pas dit. 1, 2, 3, 4. God keep knocking at the door. Never forget what you're saying, forget what you are. Just be forever, stupid car. Un taré, une tare. Je suis laid comme un puceau qui est en retard des règles, comme quoi il est enceint, enceint des saints. Je chie sur la sainteté de ces saints-là. Je chie sur la sainteté de ces chiens-là. Et ces saints-là, je les berce avec un anus doré. Je me permets de la vulgarité, même de la crudité, j'aime ça. Je veux savoir ce qu'il n'y a pas à se dire et qui se permet de dire. De nos jours, personne, personne n'a le courage de dire ce qu'ils en font au fond. A, B, C, D, se calmer, toujours se la péter. Y'en a marre, il faut arrêter toutes ces conneries pour récupérer la situation dans les mains, dans les mains, dans nos mains, dans nos mains. On a la situation donnée à un instant T. Pas de tergiversation, faut pas discuter, faut le faire, c'est tout. Et pas s'émanciper, non, non, non, non. La prison continue, la prison, le système t'engraine dans une férocité incommensurable de crudité et vulgarité. C'est pour ça que je suis vulgaire et cru. Et va te faire reculer, sale société. Système, système, systémique, systémique, systémie, systémité, mité, mité. Le système, il est pourri dans mon cul, je le déblatère. Déblatère. Et je me fous à terre, je le déblatère. Et je me fous à terre, je me fous à terre. Vas-y, vas-y, piétinez-moi. Piétinez-moi. Piétinez-moi jusqu'au bout, je veux voir le sol de l'intérieur. La terre, le terreau fertile de l'émancipation. Sion, où est Sion là-dedans? Sion, Sion, Sion, Sion, Sion, Sion, Sion. Conscience donnée à un instant T. J'adore les flux, j'adore les vibes, j'adore la façon dont ils s'installent sous ce mic. J'adore la vie, j'adore le signe, j'adore la sirote, j'adore ma drogue. Eh oui, j'adore l'ambiance, j'aime bien les femmes. Oui, c'est mon petit, c'est très mignon. Nyon, nyon, nyon, nyon, oui, j'aime les gorillons. Les gros culs, ouais, les belles vies, ouais. Un peu d'instru, ouais. Ouh, belle vie. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Oh, t'aurais pas dû me faire 3, 2, 1, 0. Ah ouais, bah 4, 5, 6, 7, 8. Non, 3, non. 2, 1, 0. On va rester sur 3, 2, 1, 0. Là, si tu veux. Un mot China. China. China. China. Two tribe. Two tribe. Ok. 3-2-1-0, ouais c'est 3-2-1-0, 3-2-1-0, ouais c'est 3-2-1-0, ok. Nouvelle vibes, ouais c'est 3-2-1-0, ok. Hey. 3-2-1-0, car y'a trop de faux héros, trop de putes sous zéro, et puis aussi trop de faux frérots. 3-2-1-0, car y'a trop de faux héros, trop de putes sous zéro, et puis trop de faux frérots. On me dit de partir en instru, ou bien alors de péter l'inspi. Désolé, j'ai juste le temps que je respire. Ok, bon, c'est comme ça, je passe le deuxième chapitre, arrête de faire le pitre. Écoute, écoute, faut que tu te barres à point à pitre, faut que tu reviennes en mode chargé. Non, désolé, c'est le gun que je vais décharger. Faut pas que tu me pousses dans mes retranchements. Écoute, y'a rien, ni personne sur cette tête. J'ai de l'attachement. La tranche de 0,9, elle a la distance. Je la prends de défense. Les garçons, j'en ai la foutre de ce qui se passe. Dur, plus dur dans la vie distance. Mais les gros qui a tombé si la tête en titan. Yo, qu'a comprendre que yo tout a eu en détan. Ou pas vrai qui gentil la tête ni mauvais temps. Papa Jack a repelé même en des longtemps. Et si yo fou ou pas vrai, yo qu'a joué démon. Et y'a pas vrai que yo final que yo tout yo polisson. Faut des bourrés en la rue là où une condition. Tous les jours garçons, toujours toujours bel garçon. Bien habillé et bien sapé le garçon. Et pas ni tambré, pas ni pas joué non. Tous les jours en cap en distance, ça c'est vrai. Entre 0 à 9 en cap en distance, ça c'est vrai. Trap, trap, du music, life you be. Même si yo quand parler en la rue. Trap, trap, du music, c'est sans la rue. Ou quand vrai qui change à la pabigidi. A 6 soirées ou quand vrai qui en cap en rue. Oui, oui, en pas qu'à rire comme on l'a pas jamais. Pas qu'à voler. Ou quand vrai qui change au final, yo te dis yo quand va. Ouais, faut plus qu'il café, mais que yo tout béni. sans qu'à vivre, parce que tous les jours on va détruire, et si on prend nous en vie, ouais. Tous les jours on bénit, on va les guérir. Pour le bénir, on va que tous les jours on va payer sa main pour nous. De 0 à 9, fini en distance, ouais. Ok. Wesh. Bien ou quoi les gars, excusez-moi pour le retard encore une fois. Mais aujourd'hui, le sort s'acharne. Tout le monde me casse la tête alors que j'ai mal au crâne. Pas de maille, pourtant je taffe alors je fais des bails. Ça me fait mal et dans ma famille ça fait des bas. Y'a des hauts et des bas et ça fait des gros dégâts. Ils me représentent pour là je fais c'est pour mes gars. C'est drop, drop de 0-9 en rabat en distance. Sous la zavige encore moi et banni ou récompense. 0 à 9 mais encore bon en distance. Trap, trap music et encore fait avec mon fréquence. Trap music, trap nous music. Nous pas toujours si même fréquence. Trap music, trap music. Nous pas toujours si fréquence. Trap music, trap pas music. Pas si en belle fréquence. Trap 9. Music, trap music. Trap music, trap music. Trap music, trap music. Trap music, trap music. Trap music, trap music. Trap music, trap music. Et puis belle, bien puis belle, mais la ville est cruelle, cruelle. Son rayon à soleil, naturel, les sentiers en primaire veille, primaire veille. Son petit geste naturel, et puis c'est l'essentiel. La ville est partielle, faut nous profiter d'elle, profiter d'elle. Et puis belle, belle, belle, bien puis belle, mais la ville est cruelle, cruelle. Son rayon à soleil, naturel, les sentiers en primaire veille. Tu m'en veilles, mais on dit j'ai pas tuelle. Et puis c'est l'essentiel. La vie là est partielle. Faut nous profiter d'œil. Profiter d'œil, profiter d'œil, profiter d'œil. Profiter d'œil. Profiter d'œil, profiter d'œil, profiter d'œil. Profiter d'œil, profiter d'œil, profiter d'œil. Profiter d'œil, profiter d'œil, profiter d'œil. Ça fait j'en sa la vente. Puis belle, belle, belle, bien. Puis ouais, mais la ville est cruelle, cruelle. Mon rayon à soleil, l'œil, l'œil. La tirelle est assez en bruit, merveille, merveille. Mon petit geste naturel. Et puis c'est l'essentiel. La ville est partielle. Faut nous profiter d'elle, profiter d'elle, profiter d'elle. Profiter d'elle, profiter d'elle, profiter d'elle, profiter d'elle, profiter d'elle. Today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, today, monter le son, bébé. Moi, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Téléphone 05 61 53 34 95. Faut nous profiter d'elle. Faut profiter de la vie. Pour ceux qui connaissent pas, voilà. C'est ça. Profiter d'elle. Profite de la vie. Profite. Pendant que tu as les yeux ouverts, le cœur qui bat. Alors, j'ai une idée, les gars. C'est qu'on fasse un petit blanc. Ouais, peut-être 30 secondes. 30 secondes, voilà, c'est ça. Bien sûr. Pour te présenter. Présentation. Voilà. Pour délirer, peut-être. Pas faire de dédicace, mais dire salut aux potes, c'est mieux, tu sais. Ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que dédicace, ah ouais. ça sonne mal à Canal Switch. Pourquoi ? Ça fait genre. Si, si, je te jure, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Une inside joke. Ah. Donc, moi, c'est insane joke. Insane, bah vas-y, insane, explique-toi. Ok, non, mais j'ai 2-3 bonjour à passer. Vas-y. Bon, j'ai dit que j'allais dire bonjour au Chicken Food. Armel, si je suis là ce soir, c'est aussi toi. Merci, Al. On est des. Voilà, c'est pas la première fois. Plaisir. Le frère Scar aussi. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire un blanc pour 30 secondes, parce que c'est bien de dire les choses que. Mais vas-y, mec. Tu vois, quand il faut les dire. Donc voilà, j'ai passé le bonjour. JB aussi, t'inquiète pas, on est là. On se soutient les uns les autres. Et voilà, hein, pour les gens qui sont là, ceux qui sont plus là, ceux qui sont derrière des robots. Et voilà, tu vois. Ceux qui ne connaissent pas, écoutez la prochaine fois. Bienvenue voilà. En tout cas. Ouais. Bienvenue et merci pour l'accueil encore une fois. Ouais, plaisir, franchement, merci, okay, merci cool. à vous quoi, d'être venu. Si, si, d'avoir fait un accueil chaleureux aussi à la radio. Oh, tranquille, tranquille. Cool. Qu'est-ce que vous dites, les gars ? Suivante ? Ouais, c'est next. Ouais. Ça tabasse à coups de basse. Bienvenue, c'est 92-2. T'es pas content à la fin. Trop de jaloux et trop d'envieux. Ok, donc on dirait qu'il faut que je m'éloigne du mic. C'est pas grave, toujours ici là. Et kick à coups de Nike. C'est toujours là, présent sur la basse. Et c'est représente para para mi. Et c'est écoute à la mairie. J'ai niqué la période d'essai. Les faux MC présents, ben je les fais stresser. Ok, bon, c'est comme ça. C'est toujours en train d'avancer. Ok, tu sais déjà, c'est pas le temps de renoncer. Je prends le flow à Cherio. Désolé, je passe au passage, une dédicace à Shérif Gros. Ok, bon, c'est comme ça, j'arrive ici, je remets ça. J'entends parler de 3 du corps, 4-0, et où les Messi au Barça. Et désolé, j'ai bafouillé, toujours c'est comme ça. J'arrive ici, et à la fin, tu sais déjà, on remet ça. Ok, bon, c'est comme ça, je retombe sur mes phrases, sur mes pattes. Et à la fin, c'est comme ça que je t'épate et que je te déphase. Normal, j'arrive ici, je remets ça. Les faux MC, on est venu les goûmer là. Hey, toujours la poser, comme d'hab, toi-même, tu sais. Toujours au verre dosé, je n'arrête pas de poser. Ok, bon, c'est comme ça, pas le temps de se reposer. 100% freestyle, je suis venu juste improviser. Ok, bon, c'est comme ça, j'ai tout analysé. Tu connais déjà, je vous ai dans la visée. Écoute ici, boîte, pas de gens s'ils sont civilisés. Tu connais déjà, hey. Ok, c'est pas l'Elysée. Tu connais, on est déjà la risée. J'en dois parler de la racaille. Reste in peace pour les mecs qui sont taille. Non, désolé, c'est amine, t'es malmène. Et à la fin, t'es comme une mine de crayon. Non, désolé, j't'ai coincé dans mes rayons. Si t'écris un texte, on dirait un putain de brouillon. Ok, bon, c'est comme ça, faut se débrouiller. Le système est là pour nous faire dérouiller, dérailler. Et à la fin, je n'ai toujours pas de rail à taper, mais que des mixtapes à préparer. Ok, bon, c'est comme ça, je suis déjà réparé. Et à la fin, tu peux pas me parer. Tu peux même pas me comparer. Désolé, je suis en train de me répéter. Je suis déjà désossé, cabossé. Mais à la fin, c'est le sac que je suis en train d'endosser. Il est chargé, tu verras le décharger. M'a bien ambiancé. Petite décasse pour VV alors. Ah ouais. Et là c'est VV. Aïe style. Aïe. VV style. Vive Spy. Bah oui, bah c'est ce que j'allais dire. Bonne avancée. On va essayer de regarder ce qu'on fait ensemble. Si vous êtes là, vous êtes chaud. On est là. Cool. C'est V-Style, ouais, c'est le freestyle. Que des coups de rataille, que du cassage de rataille. Ok, ok, ok. Toujours au piqué, plus jamais occupé. Ok, ok, ok. On dirait le tapis pré-flop, ok bon tu m'as fait tilter. T'es pas content et à la fin t'es dynamité. Ok bon c'est comme ça, encore une fois qu'on remet ça pour les anciens de bonne foi. Juste encore une fois. Ok je repars à zéro car y'a trop de faux héros. Trop de putes sous zéro, on m'a dit 3, 2, 1, 0. Ok bon c'est comme ça, encore une fois qu'on remet ça. Les faux MC là, on est venu dégoumer ça. Ok bon c'est pas grave, j'suis venu gommer grave. Un putain de rayon, c'est la CI quand j'suis en train de me débrouiller. Ok bon c'est comme ça, en train de dérouiller et toujours. Pas de rails à taper, mais des mixtapes à préparer. Ok, bon, c'est comme ça, je suis dans le prêt, t'es fini, taré. Ok, bon, désolé, je suis toujours en train de déblatérer. Ou bien alors de t'enterrer. Non, désolé, en fait, je suis toujours en train d'errer. Ok, pas de rap de zélé, mais que du rap de Zoulou. Encore une fois, je me casse en mode LA, direction Honolulu. On dirait un freestyle à l'arrache. C'est pas grave, j'habite aux Isards, à 2 mètres de chez moi, les coups de calache. Encore une fois, posé sur la basse. Ok, bon, c'est comme ça, encore une fois, on te tabasse. Mais des coups de baramine ou bien alors des coups d'acap. Ok bon c'est comme ça, on est venu s'occuper de ton temps en mode 47 ou bien alors 31. J'habite ici cousin, c'est posé dans le refrain. Encore dans ma vie tu sais déjà y'a un putain de train. Tu connais la devise, encore une fois c'est le refrain. Scar. Ok même bon c'est... Même j'en un chien. Même j'en là-haut qui veut même bien. Même j'en là-haut qui check moi. Même j'en là-haut qui veut qui j'en sac à faire. Pas ni destin, toi pour quand tu coincis la rue. Yo pas ni pour destin frère. Chaque identité qu'a fait yo pas fait. A fait pas quoi ça y'a pas qu'un système français qui vrai. Vrai, vrai, ça nous pas quoi. Et ça nous pas fait. Répliquer si les mêmes faces garçons nous ça, ça nous pas fait. Vrai, triper tous les jours pour nous pour ambiancer. Ambiancer nous pour nous, peut ça arriver pour nous en monnaie. En monnaie, résister bah la famille, bref, bref. Manger, payer, y'en déloyer, y'en défacti. Toujours qu'à rentrer, impossible, frère. Toujours ni problème, ouais. Changement, non, non, non, ouais. Et on peut pas comprendre ça, on fait. Un jour qu'à dire, moi, tous les jours, frappé. Ouais, et tous les jours, on a constaté ça qu'a resté bon. Moi, frère, on a raconté si y'en des frères pour avancer. Ouais, et tous les jours, on a gardé pour optimiser. Frère, y'en des monies pour on peut faire rentrer en la rue. Frère, bah la famille, manger parce que c'est ça resté. Ouais, système français, non, on veut pas. Si y'en fou, y'en peut pas. Garçon, toujours pour pas. Fresh garçon, si y'en fou, y'en gaza. Si y'en fou, y'en gaza. Y'en comprend que y'en gaza, mais y'en même y'en peut bon gaza. Ça, on s'en va faire. Wadou, ça, ça c'est vrai. Wadou, paye pas ni rien qui que ça change, moi. Aïe pour vous, aïe, mon fait ça c'est moi, pour en moi, anti-ni, aïe péqué, manger moi. Scandi, nous pas mêlé, ton petit nous pas aidé, quand vrai qui j'en ça y est, famille qui va pleurer, et maman qui va souffrir, les chers qui va pleurer, puis on peut toujours quand ça y est. Bon, ben voilà. Si. Ah voilà. Là y'a pas eu de blanc. Là c'est mieux. Zimmer Hall, tu l'as remis à zéro. 3, 2, 1, 0. Trop de faux frérot, trop de putes sous zéro. Voilà. Dédicace, Nego. Comme ça, elle est posée bien comme il faut jusqu'à la fin. Comme tu veux. À la tienne. Non, enfin. À la nôtre. Bravo. Exerçons. Yeah. Les bons mystères. Tous les jours ça sans j'appelle. Toi y'en toujours qu'à quoi. C'est qu'à chiché, c'est qu'à mener. C'est qu'à hôter, c'est qu'à bon en force garçon. Fais ça arriver, rien pas changé. C'est l'âge man qui qu'a monté. L'année qu'a passé, et puis y'en qu'à vrai fond évoluer. Monter y'en des un peu prise pour un bail ou manger. Pas ni rien qui qu'a changé, changé des colibés. Et si au four en qu'a vrai au fin à qui j'y en qu'a trippé. Ou c'est un frère mais ou qu'a compris nous battement c'est vrai. En qu'a trippé. Dans sa vrai, et vrai, tout ça en cas quoi. Tous les jours, on peut gagner, même si ni constat, et ça c'est vrai. Toi, frère, moi, tout meurtri. Si yo fous imbécile, en trip, que yo café, bit à yo, industry, frère. Mais en cas investi, si des disques, ouais. Même si yo tout à bord, disquette, trip, que j'a fait, même si yo tout, yo tout malhonnête. Vrai, garçon, même si yo ka vrai, yo pon yon pas check, moi. Frère, ça en j'a fait, vie en moi. En pas chassis, garçon, ça c'est con, ça c'est vrai. Tripé à dans la rue, c'est ça qui est resté pendant qu'on voit ni ennemis. Puis nous jamais némo ni nous pède. Gagner garçon c'est bien qu'il fait nous la peine. haine qu'elle nous tient en terre. Violence qu'elle y'a aucun esprit nous depuis longtemps. T'es au piti, maman qu'a pleuré. Tu sais qu'a hélé. Il qu'a vrai qui j'en nous tout en loup. À la rue là il pleuré. Fait au qu'ils accassent ça pas très drôle. Pour avoir qui j'en système à yo garçon. Yo pas gain molle. Walter Yotini, est-ce si ou pas investigation en mat ni pour industrie? Tous les jours, on va être dans tes noms, on va monter. Il va monter, on dit mon anoui. Tout ça, on va être tous les jours, tout ça, on va vivre. Après que j'en finis, on va être tout aigris. Du coup, on va vivre. Ou on peut s'abrer à la famille. Ou on peut check la famille. Mais on va vivre. Ou après qu'ils ont au final, qu'ils ont tout pour nous investir, puis qu'ils nous ont mené. Et si vous suggérez, les garçons au final, garçons, faut payer ça, manger. Manger. One shot. Ils ont rien de changer. Faut gérer. Ou après qu'ils ont vie en nous, bien gérer. Ou après qu'ils ont vie en nous, bien gérer. Avec qui j'en fais un moins, il danger. Même fait la cabouena, même fait la cabouena, même fait la qui a instruit qui cabou une villa, même fait la qui a essayé investir si doit, même fait la cabou fait la et pour ça manger doit. Ou pas vrai qui j'en ai qui a investi toujours si voilà. Ou pas vrai qui j'en ai qui a investi toujours à si voilà. Mais c'est même fait la qui a fait sa planter un couteau derrière doit pendant ou pas qu'à garder tini micro et tini micro et tous les sons. Pussy wipe, I don't care. I don't care. It's a disarray, disarray, stressed, stressed out like possibilities, potentialities, all mixed up together, together. For great passion, forever, forever. Et toujours, pas toujours, maintenant, jamais. On s'en fout plus tard, avant, avant. Et pour dire tout ça, il faut des mots et des mots, on en a. Faire enculer, sale bâtard de merde. Je t'encule à sec avec du gravier pourri. Oh oui. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. T'es foutu comme une merde dans le cul, ouais. Et je t'encule, et je m'encule, et on s'encule. Parce qu'on est des ratailles de merde, et on en a rien à foutre. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, désolé. Excusez-moi la remarque. C'est fait, c'est fait, c'est bon. Passons, passons, il n'y a pas de sujet ici à part de la sécurité foncière, boursier, y en a rien à foutre, du fric, c'est ce qu'on veut, on veut du fric, maintenant, pour les pauvres, et les riches, on les encule les riches, on les prend les riches, on les retourne, on les encule à sec avec du gravier, ouais les riches, on les encule à sec avec du gravier, c'est bien connu, les pauvres, ils les enculent, ces enculeurs de mouches, et c'est nous les mouches. Ah vraiment? Je deviens une guêpe africaine, Afrique, fric, fric, donne-moi du fric, enculé de riche. Ou sinon meurs. Non, il paraît, c'est écrit dans un bouquin que j'ai lu, 1848. J'ai une question, ce serait pas de la richophobie par hasard? Peut-être. C'est même carrément. On est sur Canal Sud. Mais... C'est miso riche quoi, tu vois, c'est la haine du riche quoi. Ah, moi j'ai la haine du riche, t'es genre. J'y chie à la gueule moi le riche, merde. Le mec se lève le matin. Ouais, ça va, non, ça va pas, j'ai si, pas encore. T'as peut-être raison. Matin, et t'as raison, Clément, t'as raison. Oh putain, il m'a pas amené le petit déj, cet enfoiré. Il y a des gens qui travaillent pour moi. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Le www.canalsud.net. C'est la 05 61 53 36 95, c'est le téléphone, le 43 Alfred du mairie de l'adresse. Nuisance, l'émission qui ce soir prend des allures de freestyle hip-hop. Ah, c'est pas que des allures, c'est plus c'est que ça. Freestyle. C'est comme ça en tout cas. Bixi. Si vous voulez faire une pause, les gars, vous le dites. Hein. Non, c'est ce qu'on voulait, ou les respirer, ou... Ça pète. Ça marche. Ça percute. Ting ting. Q-Tracks. À dire, toujours quelque chose à dire, n'est-ce pas? Alors parlons-nous. Musica. C'est terrible. Oula, ça m'a même déjà rentré dans le fils. Même en tant que novice, malgré tous mes sacrifices. Pour avancer plus de chiffres, pour un tout putain d'objectif. Pour laquelle je suis parti, donc la mère très ravie. Disant que c'est son fils, fallu qu'elle sacrifice. Malgré tous ces crises, il voulait un premier socialiste. Et moi, dès qu'on a vu toutes ces histoires illicites, évitant toute justice, de justesse, en courant à toute vitesse. Où j'ai failli passer la moitié de la vie en prison, que j'aurais passé. Ni trop de temps, et pouvait ça regretter. Ouais, Billy, voici un l'esprit, mais rien n'est pas changé. Trop de guerre ou fait, vrai, guerre ou pas vrai. Fait ou déjà fait, justice, ça c'est vrai. Vie que où j'avais, va dans la vie, toujours investir. Pour oublier ça, triper à dans la vie, pour pire investir. Vie en la rue là. Si c'est comme ça, faut triper, faut oublier ça, arrêter. Genre la red, red et ouais, soldier. Tous les gens la rue. Vous m'irez pour pas finir derrière barreau. Des barreaux, des barreaux. Ouais, pour les frères qui finent derrière tous les barreaux. Des barreaux, des barreaux. C'est ça qui tous les jours qui caresse. Yo, pour man de la red. Gamelle là toujours red à manger. Ils savent qui j'en saillis. Et pour moun pas cotiser, pas ni bon frère qui l'a ever. Leur avoué ni injustice, pas ni bon vrai si au fond. Mon sa fille j'en fais sacrifice. C'est une trop petite que j'a fait. Trop frère qui n'y regret. Un peu pas vivre, mais oui mon frère. Et tous les jours font fait. Tous les jours font fait ça refait moi. Tous les jours ça règle. En ça même si au check moi, en rien pédé ça règle. En yant si moun a levé, déception en j'attrapé. Un peu pas jamais m'en compter. Assez les frères pas qu'à changer. Tous les jours font obligé. Tous les jours vous me vivez. Pas ni monnaie qui qu'en parler, en cas gagner. Qui j'en saillé, système à yo-yo enclenché. Tout ça et ça c'est vrai. Pas ni recul, faut avancer. Et ça c'est vrai. Injustice toujours c'est vrai. Police là qui t'a tourné. En pépage, j'en oublié. Tous les faits quand j'ai passé. Vive, vie, nous pas vivant la vie. C'est comme ça, c'est un choix. Et c'est comme ça, c'est un choix. Piu, dis-le ça encore. Allez, on va la comprendre que c'est le ici. Oula, ça me même déjà rentré dans le vice. Même en tant que novice, malgré tous les sacrifices. Pour avoir un peu de chiffre, atteindre ce putain d'objectif. Pour laquelle je suis parti, donc ma mère très ravie. Disant que c'est son fils, il fallait qu'elle sacrifice. Malgré tous ces crises, ils vont leur première saliste. Et moi, dès qu'on a avec toutes ces histoires illicites, évitant toute justice. Chilo, est-ce que. Yeah. Big thing. Ça, c'était violent, hein. The next time. C'est musique, quoi. C'est ça qui est bien, 92.2. Franchement, franchement, frère, développement, multiplication, ça s'appelle chez nous, tu vois. Ce qui veut dire, tu nous donnes la force de faire beaucoup de travail, des choses, tu vois. On fait comme on veut, on fait comme on peut, et on essaie toujours de s'améliorer dans chaque. On fait comme on veut, et puis on fait comme on veut, on fait ce que tu nous donnes, on fait que ça redonne, on fait qu'on la donne, ouais, comme Al Capone. Pas d'impôts, frérot, ouais, fausse le veto, c'est cash money là, une embrouillée puissée, gun cash là, je rapperai même a cappella, c'est pour même l'au-delà, ok, pas de piano, non, non, pas de violon, mais bon, c'est violent, ok, j'arrive ici, encore une fois, je remets ça, encore une pointe des G-class pour les vieux à bonne foi, et pour les vieux Guyanais, et puis pour les vieux Guada, et puis une pensée pour Mada, run comme from Colombia, ok, bon, c'est comme ça, je rappe dans n'importe quelle langue, écoute, c'est Sanji, sur mon compte, faut pas se méprendre, si t'es pas au courant, je te l'apprends, si t'es pas maintenant, ce sera à tes dépens, désolé, j'ai juste eu un trou, un coup de bafouille, t'es pas content, ça sort des bas-fonds, et je te douille, normal, écoute, c'est posé, sale sur le son, je mettrai tout le monde. Là-bas même Booba l'ourson. Et puis belle, belle, belle, bien. Puis elle met la ville avec Guyane, Guyane. Bon rayon à soleil, naturel. Et ça c'est un vrai merveille, de merveille. Un petit geste naturel. Et puis c'est l'essentiel. Et la ville est pas ancienne. Pour nous profiter, les cadets. Et puis belle, belle, belle, bien. Puis elle met la ville avec Guyane. Et puis c'est l'essentiel. La vie là est partielle. Pour nous profiter d'elle, d'elle. Top trip, ou quoi mener en la vie. Quoi mener en la vie. Ou quoi faire que tous les jours tu nous galères en la vie. Faut que ça revive li. Faut que ça check li. Essayer de faire un débit pour que ça en sorte. Tu peux voir que la vie plus belle, toujours mon aïe. Si deux victoires garçons faut au sorti mon vainqueur. Aïen pour aïen, les gens y'en ont ouais. Chaque fois on m'a dit ni de quoi, et oui ça c'est vrai. Jalousie a yo seulement qui a triomphé. Honnêteté et malhonnêteté, c'est ça, y'a pas ni bonté. Y'a ni malhonnête, y'a même y'a pas instruit. En passant si au final y'a qu'à respecter un culti. Investi, assis la rue même si ça règne. La vie où ça fait tous les jours ça où t'es qu'à peine. Même si des fois où la kakembe si posé. Assis des flots où la kakembe pendant si temps y'a la kapon zépo. On est venu encore une fois ces épaules. Écoute encore une fois ça gros oh. Écoute, écoute, ça fait mal au tympan. Si tu le sais pas, tu l'apprends. Et ce à tes dépens, t'es dépendant de ça. Maintenant j'arrive ici comme du caramel de la meca. Un peu comme Messi, mais tout le monde en folie. Comme à la folia. Désolé encore une fois, c'est en impro là. Ok, je suis venu régler, régler les mêmes pros. Toi-même tu sais encore une fois, négro, c'est juste en impro. Donc c'est comme ça, je repars encore une fois sur mes faces. Je te défasse comme un coup de taser. Comme si je tassais ta serre. Pourtant ça c'est en mode salement. Je fais ça, traite comme la dernière guerre contre les Allemands. Hey, ok, bon, c'est comme ça. Je suis venu te tabasser à coups de basse. Mais on n'est pas des basses. Plutôt des dogs argentins. T'es en chien, tu veux de l'argentin. Ok, bon, c'est comme ça. Encore une fois pour l'Argentine. Rien que ça chill, rien que ça deal. Encore une fois, c'est ton impro. Encore une fois, pas de crayon. Je suis venu régler les blèmes trop. C'est encore ici, bah, encore une fois. C'est pour les anciens d'ici jusqu'à bonne foi. C'est hey, salement. Je te jure. Ah ouais, Canal Sud, malmène ça en mode rude. Et rude comme si c'était la Russie, plus rien à prouver. C'est quoi ce Dès le matin, du cognac à la tech. Vas-y, vas-y, check cousin, vas-y. Mets-toi, viens, prends un verre, je lâche un verset. Toi-même, tu sais, y'a juste une larme qui au début faut renverser. Ok, c'est pour les morts, écoute ceux qui sont plus là. C'est pas encore une fois, je rapperai pour eux. Même à cappella, encore une fois, ouais, c'est cash qu'on est là. Une embrouille qui nous appelle, et puis c'est cash qu'on est là. Ok, j'arrive ici encore une fois, je remets ça. J'en ai marre de rapper, je prends un main, je n'ai plus qu'à déraper. Je n'arrête pas de rapper, écoute mon blast, c'est Sunday, je peux te l'épeler. À la fin, si tu l'oublies, je pourrais même te le rappeler. Drink, drink, cognac, drink, drink, drink, drink, cognac, drink, drink. drink, drink, cognac. Drink, drink, drink, drink, cognac. Drink, drink, drink, drink, cognac. Drink, drink, drink, drink, cognac. Drink, drink, cognac. Drink, drink, cognac. Écoute le son, ouais, c'est drink, drink, cognac. C'est vraiment sexe, c'est vraiment sans garçon et ça en préféré. Sa fille dans sa grade tous les jours, toujours il vient rude. Là où vraiment si soirée, c'est que la niche qui est animée pure. Là où vraiment si soirée, c'est pas ces mollets, ça c'est dur. Vie en famille, la vie là, toujours en bien scur. Sa fille dans sa grade, des cocaïnes, va rentrer bien pur. Sa vraie en pays là, sa grade n'y pense pas en pur. Poli la va rentrer, pas qu'elle obéit, ça c'est sûr. Sûr, sûr, toujours affirmé, même si des blocs. Si on faut, man, sa fille, j'en ai un ami, toujours catholque. Hop, mais tous les jours, la rue, toujours en pas walk. What, garçon, même si vous parlez ni what, what, what, ou la cap. Ou la ka savka ou paye, ou la ka blague, mais en pas vrai pour police c'est vrai, ou la ka râle, en pas vrai pour mon ça c'est vrai, ou la ka estime, encore ou supérieur. Piu, piu, moi je sais drink, drink, drink. C'est avec des peines qu'on jongle, saleté jungle. C'est avec des peines qu'on jongle, saleté jungle. C'est avec des peines qu'on jongle, saleté jungle. C'est avec des peines qu'on jongle, saleté jungle. C'est avec des peines qu'on jongle. Salons les empires et ça va de pire en pire. Ils veulent de l'honnêteté, regarde leur système monétaire. On veut que Dieu fasse tout brûler avant que l'homme enterre. Et mené par des menteurs, gouverneur à tort, président acteur. Mais le diable tient le décor, c'est Rasta mon moteur, c'est la CIA mon mentor. La France me fait pas peur, mais bon faut changer. Décor. Ici on mène une vie malsaine. Les assassins sont dans le système. Ils nous tiennent car c'est leur monnaie qui règne. Et c'est ça qu'ils nous imprègnent depuis la maternelle. Drink, drink, drink, cognac. Drink, drink, cognac. Drink, drink, drink, drink, cognac. Drink, drink, drink, drink, drink, drink, cognac. Drink, drink, drink, drink, drink, drink, cognac. Drink, drink, drink, drink, cognac. Drink, drink, cognac. Drink, drink, drink, cognac. Drink, drink. 92.2. Merci, merci bien les gars. Si vous voulez faire une pause, vous êtes là. Là. Pas qu'à faire. On est là. Posé, dosé. Ils sont chauds, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. La dureté, la sûreté. Parle bay, parle maman, ou safri en y en biate, ou safri j'en sa y est, si kaken les gars, c'est le trio la kakene, tous les jours faut me investir, tous les jours faut me réinvestir, la kagade qui j'en yon détruit, ennemi gars toujours du check me, yo ka fais en miti, yo fou yo la kapaye, la kagade qui j'en yon yé, au final yo allé, la kagade qui yon faut nous, on peut ça toujours investir, mais tous les jours même si y'en y habite, on peut ça toujours me continuer, consumer, pas jamais oublier, mais fais ça n'y a fait pas compter, si pour moun ça c'est vrai, frangé en me kakaï, mais la kagade qui j'en raté, mais. Tous les jours on y en bia, t'es les paniques à quel moment. La parole du cap à aller. Oui. Parlez bye, parlez bye, moi. Parlez bye, parlez bye, moi. Parlez bye, parlez bye, moi. Parlez bye, parlez bye, moi. On partit comme un missile, c'est-à-dire l'homicide. T'es pas content puisqu'à la fin, ouais, de tout je décide. C'est-à-dire que j'atteins la cible, moi j'impose la nouvelle gym. C'est en impro que ça prime, ok. Je règle les blèmes pro, tu connais déjà frérot, ok. Y'a pas d'héros, écoute, y'a pas de cocaïne. Toujours là, insane, ok, bon, freine. T'es pas content, tu finiras à freine. C'est salement le système, ouais, c'est salement le système. Tous les jours, nous on check, ouais. Salement le système, ouais, salement le système, ouais, salement le système. Nous les jours, tous les jours, on check salement le système. Désolé, j'ai bégayé, je suis en train de m'égayer. Rémi Martin dès le matin, toujours en train de zigzaguer. Je suis en train de t'alpaguer, ouais je t'arrête, j'ai besoin d'un taxi. T'es pas content pour un ecstasy ou reste assis. Ok, j'arrive ici, encore une fois, je remets ça. T'es pas content, encore une fois, c'est toujours Messi au Barça. Et oh. Tous les jours on panique, on veut penser, on peut garder pour optimiser, optimiser, tout progresser. Tous les jours on veut ça aller, crier pour on veut ça progresser. Pas ni y'a rien qu'à son pêche changer, que check les vrais, ça c'est vrai, y'a rien qu'à son pêche changer. Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi des billes. Ça fait clic clac bam et boum boum bye. J'arrive dans la place, tous les faux MC sont die. C'est 100% freestyle, canal sud, on est hal. On est posé, c'est hal, un petit peu comme Caponal. C'est Stargy, Sonji, un petit peu comme l'US Army. J'arrive ici et à la fin, tout le monde je mets la zermi. En train de zigzaguer sur le terrain comme un putain de R1. T'es pas content comme Cristiano, je te mets un putain de coup de rein. En mode passement de jambes, t'es en train de te casser les membres. Et à la fin t'es en train de t'étendre, t'es tombé sur le terrain. Encore une fois, désolé, je retombe sur mes pattes, sur mes faces, c'est pour bonne foi. Ok, bon, c'est comme ça, dédicace au passage. T'es pas content, t'as pas compris, c'est freestyle le message. Tu vis ici au pays ou pour les amis. Tous les jours, faut béni, tous les jours, et puis dans la rue, là, y'a tout au béni. Y'a tout au béni, jalousie, qu'est itini, faille mon lini. Pour y'a fait sa gagne, pour ni poutini, moni. Al. H-A-L. Ça s'écrit H-A-L. Salut les amis. Ça se passe? Ça se passe, c'est toi? Je suis chanteur. Hein. Ah ouais? C'est cool, ça fait plaisir. Bah, c'est cool alors. Voilà. Mais ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Alors là les gars. Bah ça c'est bon alors, on fait de tout là. Non, gars. C'est bon, ça c'est bon, c'est la mixité, c'est bon. Ça fait des épices. Tu connais pas les épices là? Tu vois, tu mélanges bien dans le bon repas là. Tu vois? Voilà. Voilà le truc. C'est chaud. Voilà. De crème de cocktail molotov épice. On y va. Oh, comme un bon pays, mon pays, je te jure. Ça attaque au corps. On y va, on y va. Et là sur le copain, j'ai vu tout à l'heure. Oui, il est beau, il est beau, il est beau. C'est le tonton VV, pas joué. Yes, sir. Pierre Spix. Bah, pour l'instant, ouais. On n'est pas d'ici. On sait pas si on va rester ici, mais pour l'instant, on est ici. D'où la base? À la base, on fait tout là. C'est compliqué à t'expliquer Paris, pendant l'émission. Non, plus loin. Non, je te jure, plus loin que ça. Le nord. Sort du continent. L'île Maurice alors. Pas loin. L'Argentine. Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. Non, enfin l'Argentine. Ah, faut que vous restiez. C'est ici, compliqué. Mes amis. Ah bon? Bien sûr, il y a affaire ici. Il y a que des affaires à faire ici. Il y a que la radio à faire. Il y a que la radio. Non, je te jure, enfin. Bien sûr. Alors, Al. On va pas commencer sur l'Europe. Et Al. Al. What up? What up, my niggas? Regarde bien. You know the Knacket Pandem. Pardon, excusez-moi. On t'en veut pas. Pardon. Non, mais je suis un peu pris entre le cul entre deux chaises. Je me posais une question. C'est pratique. Et alors, non, sérieux, les gars. Vous êtes des musiciens? Vous êtes des musiciens ou pas? Pourquoi? Sérieux? Non, c'est à nous? Vas-y. Non, c'est une question comme ça parce qu'on me demandait là, à l'instant. Ah, mais il n'y a pas de musiciens ici. Et moi j'étais là, mais attends, je vais leur demander moi. T'sais. Moi je suis pas musicien. Moi je suis chanteur, ça nous ouais. Ouais, mais musicien. Nous on a cassé l'instrument, bah, si, c'est chanteur. La voix, t'as eu. Ouais, mais la voix, c'est, ouais, je c'est suis un instrument. De ma gorge, ouais. La voix ouais, c'est le plus difficile. C'est le difficile, plus difficile des instruments. Et la voix. Ben voilà. Je travaille tous les jours. C'est un instrument, vous êtes musicien en fait. Ben vas-y, mets tout ce que tu veux moi. Et ben mets-nous une instrumentale comme ça, on joue par-dessus. Faites. Et les mots, c'est vos instruments aussi. Aussi. C'est la langue de Molière, je la manie à ma manière. T'es pas content, écoute, je te mets une coup de boule dans les mollets. Ok, donc c'est comme ça, encore une fois, on remet ça. Scargy, Sonji, on fait mal comme le Barça. J'entends parler de 9-4, mais bon, ici c'est 3-1. Qu'est-ce qui se passe, tu connais les packs. Présent sur le terrain, des Isards jusqu'au basso. Combo, l'impasse du métro. Non, désolé, j'arrive ici posé, frérot. Ok, bon, j'ai du mal avec les instruits, les changements d'inspi. Et puis je fais du mal à autrui. Ok, j'arrive ici toujours en train de rouler. Je sais plus quoi dire, je n'ai plus qu'à déraper. Tire le ouais, pain mais à main. Ou aimer moins, ou qu'à check moins. J'en là où bisez vrai moins. Ou qu'à songer moins, les liens bitin. Ou qu'à check moins, là où qu'à vrai bitin mêlé. Ou qu'à vrai bitin mêlé, là où songer moins. C'est parce que ou qu'à vrai qui chan, ou qu'à check moins. Tant que tu qu'à fait dans la rue. Et c'est pour ça tout tourne gris, jeunesse rebelle. Hey. Tout moun la kriyel, tout moun ka goumé pou même moun la tout moun sait quel vrai. Et si yo fume un peu pas check pense que tel potentiel que yo pas ni garçon. Ça c'est l'essentiel, chaque geste ka compté, chaque frère ka compté. Si un peu compté, si on ke compté pou un peu rifé, un peu misé. Plus, pou un peu ça vrai, un peu ça quoi, un peu ça ouais. Un tous les jours, un tout fait. Pou un peu ça tous les jours investi, mouin. Pas besoin travesti, ouais. Ouais, fuck yo, fuck. yo. Nous un petit sapco politique yo, pas j'en changer nous. Ça nous pensait depuis longtemps. Nous c'est des anciens. Ça fait ni conséquence, petit à moins qu'a grandi. Si sans que il dit nous, tous les jours en la vie. Regardez que tous les jours comme un peu ça m'en folie. Oh. La suivante. Yes, sir. Si mère t'entends, ça, c'est un posé peu... comme à la maison. Vois, un truc de ouf, on perd de la raison. Tu nous as fait changer d'horizon. Et hey. Ouais. Je savais, tous les jours en la vie ça nous j'avassé, ni en celle si la tête qui est pas sachez, coupez ça si la tête m'en toujours vivé, ça arrivé, l'idée si en celle causée ça c'est vrai, tous les jours on t'a gardé pour arriver, milité si en celle vrai, ça danger, et ça danger, la vie là tous les jours danger, il danger. Pas plus signe pour nous, mais on y est tous les jours pour moi. Pour ni pas ni rien caché en danger. On y est tous les jours pour moi. Investir, réinvestir, c'est les mêmes frais. Réinvestir, c'est les mêmes frais. Fait pour faire pour moi, béfait. Tous les jours, smoke, ouais. En face, smoke toujours marijuana. Deux fois, toujours des doigts, trois, ça. Et so, faut toujours piquer. En pâté, je vais, ça sert, c'est froid. Top, pas voir, y'a pas parlé, y'a aucun négligé, mon douzain. En pas vrai, que j'en pour en construit à venir là. Éloignez-moi des faux frais. Éloignez-moi des faux frais. En regard des gens, you quoi, à la vie y'a pas d'un peu frère. Tous les jours, on prie, ça va tout le monde, tu le veux, pour mieux quoi. Ambiance, non, ambiance sensuellement, ambiance les jours, sale. Tous les jours, ça nous même, nous j'a passé, j'avais qui j'en dans la vie, yo pas joué, yo pas joué. Yo pas ça, ça au final, ça yo te veille, tous les jours, faut rouper ça, tout assimé, assimé. Tous les jours, ça ou qu'a fait pour oublier. Garçon pas jamais, garçon m'en oublier, oublier. Pas jamais oublier, oublier. Les fois aussi nous m'en viens pas vous qui j'en investi. Trop triste, renié garçon yo tout au puni. Mais ça c'est vrai. Yo tout yo là, yo là, yo pas joué. Pas joué, pas joué, yo pas joué. Bon ça, trop bon c'est du popa. Pas bon popa. Tous les jours mon popa, fraîche, clean, belle garçon. Pipi ni façon, garçon ni façon, belle shit et façon, un belle fesse, belle weed, belle check, belle signe, belle moun kaban main, toujours envie, en cagade pour ni, même si ni pour ni, les bruits tout déco, si yo faut tout déco, en KSC mettez le déco, monnaie pour déco, si yo faut ni déco, à part et oui du déco, si yo faut nous encore, la vie est toujours son d'accord, au cas avec qui j'ai yo encore. Yo même yo pas savé, yo pas savé. Ça nous tout nous passé. En la ville là yo tout danger, yo danger. Ou pas vrai qui j'en yo tout yey, yo tout yey. Pure, pure, pure sing, niggas. Ça part loin, ça vient de loin, ça part loin, ça vient de loin, ça part loin, ça vient de loin, ça part loin, ça vient de loin. Demain on se check, on se rejoint, ça part loin, on vient de loin. Ok bon ça part loin, t'inquiète pas, on vient de loin. Y'a d'autres continents, ici les vieux finissent en maison de retraite à continent. Hey, un truc de fou, je te promets, il faudrait s'en occuper. Ils ont besoin de PQ et d'autres ont juste besoin de se saper. Faut réfléchir, écoute, y'en a trop en train de fléchir. Désolé, c'est just bless from and my family. C'est pure thing, pure thing, you know c'est pure thing, pure thing, pure thing. Pure thing, mais pure, pure, pure thing. Ça fume toujours du pure thing, pure thing. Yo même yo pas savé, yo pas savé. Ça nous même nous j'a passé, j'a passé. Les jours garçons font nous optiver, optiver. Faut que ça brille, faut que ça brille, ça brille, faut que ça brille. Pas savé, pas savé. Final ça ou tous les jours pas passé, pas passé. Ou pas vrai qui j'en dans la vie, yo tout tiè, yo tout tiè. Garçons nous pas qu'à j'en oublié, j'en oublié. Le package en oublié, oublié. Le package en oublié, j'en oublié. Le package en oublié, j'en oublié. 92.2 bébé. Yes, sir, frère, frère, frère, nous travaillons au pur. Yes, sir, les frères, yes, sir. On est là ensemble, yes, sir. Pure drink. En posant en anglais, faudrait lui là, le hall là, avec sa houppette de fou furieux, toujours Canal Sud.2, non, 92.2, Canal Sud, tu connais déjà. Ça s'en mêle. Il y en a une que j'attends depuis tout à l'heure, un truc de ouf, mon frère. C'est mal. Ça peut être bien des trucs comme ça, hein, tu vois. Ouais. Je te jure. C'est possible de faire des trucs comme ça, hein, tu vois. Tu pourrais essayer de faire un truc comme ça aussi. Ouais, bien sûr. Toujours. Mo bring it take to that and pass. Ciao. Dex. On va se le prendre un peu plus rapide. Can you give me the next instrumental, please? Parce que là, il commence à se faire tard, comme on n'a pas pris de pause, tu vois. Donc on commence à devenir un peu accéléré. Tu vois, musique c'est ambiance, musique c'est un si, musique c'est en cadence, musique a fait qu'on a obtenu et qu'on avance, ouais. Si on fou garçon, pas prendre bon avance, distance, qu'elle nous croit bon garçon est une récompense, garçon pas ni trophée, et pas j'en ni récompense, couplé en nous, pas j'en changé, ni bon point, fréquence, garçon a pas fort en moins, c'est pas nous même fréquence, garçon a fait tout aussi sensé, garçon tu veux jouer, garçon toujours décensé, actif sous le mouvement, y'a pas j'en changé, c'est l'année en moi qui passait, l'âge là qui montait, et pas ni un qui fait qu'être tes moules. Non pas fait, va la famille manger ti moun en moins, ça c'est vrai. Bah y'en éducation qui le purée, c'est vrai. Rote y'a dans la misère, c'est sans vé quoi. C'est sans vé quoi. Ou pas qu'à choisir, ça qui arrive ou ça qui qu'a fait. Que, ou qu'a fait ça ou ni a fait. Frère, ou qu'a conséquence. Payer les conséquences. T'es une circonstance. Famille toujours en deuil. Et ça finit en cercueil. L'amour bat tout le monde, ça c'est comme ça. Garçon, tout le monde n'a pas épargné, ça ni constat. Bon, dire que si j'ai aussi chaque fait, chaque geste, ça ou fait pour en sortir. Toujours un mandat, ou choisi, quand out, c'est ça qui t'es choix. Ou fait ça ou t'es ni à faire pour réussir. Dans le mandat, ou fait ça ou vivre. Investir si la famille, ou bayou en signe. Mais ou pas bayou la vie, ou fait ça ou t'es ni à faire pour pénimonie. Mais ou pas penser qui j'en pour fournir. Dans le futur, faut ou paye vrai pour payer ça, toujours construit. Dans le futur, poupée fait, poupée ça toujours à construire. Au méfait, échec, pas défaite. Mon fait, mon frère. Échec, pas défaite. Eh ouais, mon frère. Chaque fois, on va me hypocrite, tu te juger. Jalousie à yo, garçon, pas jamais mon pays. Tu vas voir qui j'en sa fête, garçon, et tu n'es des vrais garçons qui est compté tous les jours à dans vie, c'est vrai. On peut pas compter si tout le monde n'y en celle qu'elle respire à danser, en fond, ni en par terre, en pacte. Et assis en plein, péqué, c'est vie, facte. Batte, mais m'en fous, garçon, si au final, ou que fini, m'en a terre, racte. Ou à terre, on peut pas compter sur parce que vous-même, ou t'es à terre, ou toujours en à terre. Big sing. Can you next this instrumental? Yes, sir. Le petit changement était fréquent. Et attends, j'ai une question. 92.2 énergie, yes, sir. Ça donne de l'énergie, oh. Quoi. On n'est pas déjà passé sur ça? Je sais pas. C'est possible. Allez, vas-y. Sinon, change. Sinon, tu peux changer, il y en a d'autres, hein. Il y a un truc qui était marqué dessus. Q-Tracks. Même si you whine, même si you whine, nous tous les jours nous-mêmes nous pas goûter. Même si yo wine, même si yo wine, tous les jours nous-mêmes nous pas goûter. Musique à wine, musique à flying, tous les jours nous-mêmes nous pas goûter. C'est musique ici bas, ça traîne dans le team en bas. Une pensée pour ceux qui traînent en team en bas. Ok, j'arrive ici et puis je découpe les mots. M'a dit viens à Canal Sud, t'as qu'à nous faire une démo. Écoute, entre temps on m'a proposé un G-Pro pour le 21 juin. Ok bon c'est pas grave, en attendant je tape un putain de joint. Ok bon vas-y pète un gramme dedans, t'es pas content, on fonde dedans. Et puis à la fin de compte casse les dents. Ok, j'arrive ici, je pose un inverse en indé. On dirait pas, mais bon c'est comme ça, on dirait KDD. Enfin bref c'est ce qui m'a inspiré. Désolé mais bon tu vois je suis décalé, je n'ai pas pris le temps de respirer. Hey. Ok bon j'arrive ici et puis je repars à zéro. Non désolé écoute trop que je suis heureux. Hey. Oh. Yeah, yeah, yeah, vas-y. Musique à quine, musique à flying, tous les jours pour les enlever. Même si yo wine, même si yo wine, tous les jours nous-mêmes nous gagoumer. Même si yo wine, même si yo flying, tous les jours nous-mêmes nous galiter. Musique à baouli, tous les jours à gagoumer. Walk no the walk pour nous vivre. Changer en IH, couper ça, tous les jours, ça épanoui. Réussir toujours dans la vie. Et belle et ça c'est belle envie. Belle et vacances et mon vie. Avec la chérie, avec les enfants pour elle aussi. La famille. Et la famille. Musique à coin, musique à fly. Musique à coin, musique à fly. Musique à coin, musique à fly. Musique à point, musique à fly. Si vous voulez, mais tous les jours vous savez qui j'en savais, des toujours bandé. Every day for qualité pour que ça m'enrive. Milité assis en seul cause vous savez ça y est. Soldat que nous t'ayons, tous les vivés. Tous les jours garçon pour que ça toujours m'enrive. Milité assis en seul face garçon nous qu'à milité. Elle les faits vrai, les vrais frères, les vrais frères. Musique à point, musique à fly. Si yo wine, même si yo wine, même si yo wine, même si yo wine, même si yo wine, même si yo wine. Si yo pour me finir, si yo pour vrai, pour avoir qui j'en finis à casser les pauvres qu'à payer. Facilité que yo tout yo te fait, esquiver les faux paroles et yo toujours ni honnêteté. Pour s'apprécier, pour pécer à tous les jours, garçon progresser, rien pas changer. Changer, pas changer. Musique à quoi, musique à fly. I'm put your lights up. See you high, I see you high. Pure sin, Wakonette, VV, sur la place. Dédié. Avec Hal. Qu'est pas ça? Avec le frère 92, les frères avec nous. Yes, 92.2. Yes, sir. Ah ouais, faut être motivé pour... Violent. Et pas violent. Tu veux un truc violent? Non mais ça c'est violent déjà. Violent. Violent. Je reconnais pas l'instrument mais ce n'est pas du violon, c'est violent. Violent. Je reconnais pas l'instrument mais ce n'est pas du violon, c'est violent. Comme si on était venu te violer. Désolé, bon je suis posé avec mes yeux violés. Posé en cabriolet ou bien en train de se la voler. Non désolé, en train jamais de se la péter. Désolé je me suis, ou bien désolé c'est quoi l'inverse, l'inceste. Ou bien alors c'est qu'il faut se débrouiller. En train de se faire dérouiller, malmené c'est pas grave. Écoute jusqu'à la fin, c'est comme ça le mic m'attrape. Et je me rattrape en moins de 2, 5, 9. C'est pas grave jusqu'à la fin, un coup de bluff. Et je suis refait, refrais, posé dans le refrain, t'as même qui sait, écoute ici, dans nos vies y'a un train. Ouais y'en a qui font des gestes, et bon c'est pour ça que je représente. C'est pas grave jusqu'à la fin, le rap j'suis là et j'le hante. J'suis venu un petit peu comme un fantôme, écrire un nouveau tome. À la fin j'me déboute un petit peu comme Tom Sawyer. T'es pas content, j'suis venu te Dom Sawyer. Ok bon ça fait mal et offrir pour les parier. Ok bon fallait parier comme sur l'Atlético. Posé dans le barrio, faut vider le barrier. Toi t'es posé en pareo, ça va varier. Ok bon c'est comme ça, ça va vivre et virier. Ok bon je me suis encelé sur la controverse. Et à la fin c'était sur la consonne. Ok un putain de converse et sonne. Et à la fin c'est juste que des putes larmes que ma verse est aïe. Allez. L'alcool, tu sais déjà, nous fait aller la bouche lentement. Ok, bon, c'est comme ça, j'arrive ici, je suis pas en surendettement, mais que de l'endettement, man. Ok, j'arrive ici en train de démonter des Neyman. J'entends parler de high kick à coup de paire de Nike. C'est pas grave, jusqu'à la fin, je suis posé et je me mets high, high. Là, avec Didi, ça fait mal, comme si c'était MS 13 qui t'enfermait dans la malle. Hardcore, pas banal, comme si je te faisais un emplacement pour que tu fasses des trucs en anal au bord du canal. Ok, c'est à dire que c'est un sale moment. Ok, bon, c'est pas grave, un truc out, je pense à ma maman. Ah, tu sais déjà, trop de femmes qui se respectent. Et à la fin, faut pas écrire un putain de pacte. Tu connais déjà, personne n'est un pec. Et à la fin, je te mets un double impact. Tu connais déjà, faut pas signer de pacte. Ok, bon, tâte le bec, y'a le voisin de ma mère tatoué dessus. C'est pas grave, une prise de jujitsu et puis ça y est, je prends le dessus. T'as quoi sur ton par-dessus? Moi, une putain de chemise. C'est-à-dire, je suis dans la surface, tu me fais une remise. Je mets une putain de reprise de volée. T'es pas content, c'est toi que je vais braquer ou voler. T'es trop baraqué, toi j'ai un corps de lâche. Tu sais déjà, short du terrain, c'est-à-dire coup de calache. Hey, t'es venu me clasher. C'est pas grave, tu verras qui à la fin est le lâche. Sick. Tu vois, l'alcool, mon frère, ça fait ralentir la bouche. Et là, ouais, là, faut aller boire de l'eau, mon frère. Là, je te dis la vérité, il y a des gens qui s'assument pas. Moi, je commence à bafouiller sec. Je commence à bafouiller, mon frère. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les idées arrivent. Hein. Oui, ça enchaîne quoi, comme d'habitude, comme au début, machin, mais la bouche, elle suit plus. Moi, là, faut aller boire de l'eau. Là, faut aller boire de l'eau. Parce que le coca, il fait même plus effet. Par contre, je veux bien faire de l'eau aussi, ouais. Ouais, ben voilà, tu vois, c'est pour ça que moi, je veux dire, Al. Petite pause de 5 minutes, non, tonton. Bah, en fait, on peut laisser tourner toujours le Weezing. Ouais, toi. Laisse tourner l'instru. Comme ça, les gens, ils vont kiffer les instrus simples. Après, comme ça, ils vont plus kiffer notre son. À nous, perso. Et même, ça me permet de continuer à m'entraîner. Regarde, c'est bon. Oh, baby. les sous son joug, mais j'ai l'âme de la vérité. Et puis je les ai en joufle. Ils se gavent et sont joufflus. Mais fini de rigoler, maintenant on ne joue plus. Non, faut pas se désister, continuer d'insister. C'est un séismatème contre ce système. Écoute sur ma tombe, je veux juste des chrysanthèmes. Pas de chrysanthèmes. Et dans les yeux de ma mère, je veux pas voir de larmes, frère. Rising 92.2 dédicace freestyle tout le monde belle vie c'est ce que tout le monde il souhaite, c'est ce qu'il souhaite hein. Il souhaite hein. Chacun la vie est belle my life is si yoka distance mais ton parole yon tout yon la canne je my life et tous les jours font mais ton parole yon la capane my life. Même si y'a pas distance, c'est pour tous les jours, on ramène ma life. Et si on la ramène, une comme big affaire, même si y'a toujours persécuté. Rien va changer, mais tous les jours, on fait ça, tous les jours, m'en affronter toute péripétie, graphie. Dans la vie, c'est vrai. Distancing, copa wa luka wa yu papa le my life. E si yo la yo ane, copa wa kafe yu ka distance my life. E si yo la papa le, kompi yu ka meni yon la vi se fe. Men tous les jours fo ou pe sa gaye, tous les jours pou pe a filme my life. Et tous les jours fo manke, copi kafe yu ka distance my life. Tous les jours pour aller, un yé bagage change ma life. Tous les jours ni duté, efficace tous les jours c'est vrai ma life. Mais tous les jours pour aller, top fric avec tous les jours là où gang aller. Essayez faire expérience, même si tu n'es distance. Entre ennemis tu n'es distance, mais trop vite nous ramène ni qu'on se fait. Nous voyons pas si fréquence soit. Nous avons ça, nous avons tout fait, ouais, même si ça cruel. Trop vite fini potentiel. Ennemis qu'à test, moi, nous tout, nous pas ni potentiel. Potentiel. You my life, baby. Même si vous cherchez distance, nous ne pouvons pas voir, nous tout, nous la pas parler. My life, baby. Il est idiot. Un yé garçon, nous ne pouvons pas changer. My life, baby. C'est my life. Mais pas molle, mais pas drôle, mais pas quoi, dis pas drôle. Y'a tout d'ailleurs, tu n'es pas drôle. Pour les salis, tu n'es pas drôle. Et si y'a tout qu'à jouer bon rôle, si y'a faux, tu n'es pas drôle. Garçon, on a fait une récolte, qui en débat pour un lit en récolte. Si y'a faux, petit, pour Paul, garçon, pas ni pour nous, métropole. Nous, garçon, nous descendons des Guadeloupe, rivé en métropole. Petite vibes reggae là. Bryson il était chaud. Ouais, je suis chaud, my girl. Is there dédicace à tout le monde, hein. Tout le monde qui est là. Déterminé, car quand tu avances sur un terrain miné, trop de barrages à passer et de têtes à voir casser. Deux fois plus de terre pour avancer avec un sale passé, mais je continue de ramasser. Ici y'a plein de gens qui ramassent le temps, c'est de l'argent et l'argent y'en a pas assez. Tous en train de se pousser en espérant que les agents nous laissent passer. On a chacun son espace, mais certains restent pas en place. C'est des coups de calage pour le pouvoir et le palace. Les petits se motivent quand les grands paradis ici. Des terres pour plein de choses, mais ce que je vis c'est le paradis. C'est pour l'atteindre, c'est difficile quand y'a plus d'avis ici. Je suis déter comme une mission ou comme un missile. Mais je décide de m'arrêter avant l'homicide. C'est Diddy Vibe, Diddy Vibe. Yo la yo ka pale, ou ka fè ki jen an la ri la reye. Faut pouvez profiter, y'a des fois dans la ri pré. C'est vous même ou te savez, ou te vrai ki jen la ri la ite. Ou pas te ki jen joué. C'est que j'en joue, vivi ou mené, en la rue là ou mêlé. Rebellé à dans l'esprit, rien pas changé. Tini trop trip, garçon pour ou pensa pour jeter. Faut garder l'esprit en scène, garçon pour avancer. L'esprit est clair, toujours sur les épaules. Garçon, Ou savent qui j'en la vie pas molle, pas ni rien. Garçon, il parti ni wall. Ou savent qui j'en ça y est, garçon, et amalgame, t'y ni donne, donne, donne. Si ou vous même en ou quoi donner. Espérer à si en fois, garçon, y'en peut qui aller. A regarder qui j'en ou y'en frère, trop vie, y'en pas changé. Vie ou si une vie, nous la nous kamene. Ou quoi vrai ou fin à qui j'en y'en tout y'en. Hey, y'en pas changé. Hey. Bye ciné, bye ciné, qui les gens et tout y faible. Bye li, bye ciné, bye li, et c'est ça qui est faible. Tu m'as dit, ça un bon moment, ouais ça passe un bon moment. En train de kiffer le temps, une pensée pour ma maman. Et ça passe un bon moment, ouais ça passe un bon moment. En train de kiffer le temps, et une pensée pour ma maman. J'suis posé sur l'instru, c'est 100% impro. Ok bon c'est pas grave, écoute je règle des blèmes pro. Posé entre tout le monde, Renoir, rap, ça négro. Ok bon c'est pas grave, j'suis posé, bap tout frérot. J'arrive ici et puis je remets ça. J'entends parler de 3-0, de 4-0, il est où le Barça? Il est pas là dans la Ligue des Champions. Écoute ici t'es qu'un pion, tu connais déjà, écoute, y'a trop d'espions, hey. Trop vieux, même si y'a tout qui c'est qu'elle. Mais ni trop vieux, pas mes frivelles. Ou qu'à vrai qui gentil, ni qu'on faiblesse. Y'a qu'à comprendre que y'a tout réel. Trop vieux, pas mes liens la vie. Qu'à fait que y'a qu'à négocier, y'a tout jeudi. Ou là, ou qu'à parler, ou pas qu'à j'ai investi. En là, qu'à garder tout ça qui tient, frère. Nous savons qu'à évrer. Nous savons qu'au final, tout ça qui carré devant, c'est pas ni parole. Après qui j'en yoye, mais trop pas bon, trop pour tous les jours qu'à négliger. Monique qui va parler à notre système, ça c'est vrai. On sait pas qu'à jouer, du garçon, faut des douettes pour qu'ils savent. Qui j'en s'atteye, à ces business, vous savez, pour moun pas qu'à jouer, faut des douettes. Si y'a faux garçon, même si ni malhonnête, t'as qu'à garder. Qui j'en au final, si faiblesse, ni un check, en regarder. Qui j'en yoye pas check, pour moniser sans frais. Yo là, yo pas détruit, frère, yo pour yo que ça investit en reconstruit. En fait pas vrai yo, si en vie en la encore reconstruit. Non non non, en fait pas vrai yo, si en vie. Si yo vous mettez, vous mettez en cagade. Pricing niggas. Non. Al, t'as pas un truc qui pète plus. Qui pète plus encore? Ouais bon. Ça pète plus ça. Ça pète plus ça ou? Dis-moi. À la petite emportée. Ça peut être plus. Plus dans nos habitudes, tu vois. Ah mais c'est, ça c'est les habitudes que qu'on me fournit moi. Ah ouais. Bah ouais. Tu veux viens me voir. Elle Selecta, elle est pas très loin dans le délire là. Oula, attends. C'est toi même le Selecta, je te parle. Ah, ah, oui. Ah pardon. Quoi? Ouais, je laisse. Salut. Yes. Je suis revenu sur ça parce que ça touche un village chevé parce que c'est une insu. En fait, c'est une insu à ce que je fais pour moi la même chose, tu vois. Je suis en train d'essayer de regarder pour retravailler ça encore une fois, pour essayer de l'améliorer encore une fois, pour investir sur tout ça, quoi. Tu vois, on est entre nous, on est Al, y'a Al, y'a Bébé, y'a tout le monde, y'a la famille, y'a nous, y'a Scar, y'a tout le monde 92.2. Eh, on représente toujours Canal Sud, on est tous là, toujours Mixup City, tu connais la Mix City. Yo même yo pas savey, nous pas savey. Au final ça dans la vie où j'a passé, où j'a passé. Tous les jours pas ni bon geste pour regretter, regretter. Vous savez qui j'en ça y est, y'en y'en pas qu'à changer. Pas qu'à changer, pas qu'à changer, pas qu'à changer. Nous passé, nous j'a passé. Ça au final dans la vie où j'a passé, où j'a passé. Vous pouvez pas regretter tous les faits, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Garçon en qui compte c'est toujours des refaits. Des refaits pour on peut ça réinvestir, pour on peut faire, on peut faire. Pour on peut ça réinvestir, pour on peut faire. Faire. Tout ça on y a fait, on y est pas changé, pas changé. Vie nous l'a ramené, nous ramené. Vie vie. Et c'est ainsi pour en vie. Tous les jours, toujours les mêmes gaveilles. Galère en nous aussi, au pouvoir, respirer, mais tous les jours aussi. Il y a calme, il y a trop privé, si on a rire, on ne peut pas passer ce day. Merci et dans la vie, si on faut investir, tous les jours faut investir pour vous, ça toujours rebâtir, vous faites. Je récompense sous la caméra, si je réagis en pensée, il n'y a pas qu'à jamais changer. Fille ou caméra, il y a un arrigation, il y a la canégrige. Ça ou déjà fait fil à tes garçons coupés ou t'as optisé. Optisé pour la famille, les garçons pour tout couper croqué. Viens de quoi mes garçons, yo tout le monde fuck ça c'est vrai. Rien va cacher Jésus, rien va cacher Jésus. Rien va cacher Jésus, rien va cacher Jésus. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Rien au final, garçon, pas cacher Jésus. Au final c'est l'un des mondes qui va passer l'achèlement au final garçon va monter, va monter, va monter, va monter, pas changer, pas changer. Au final ou grave qu'ils ont yo tout yo tout. Au final et tout ça yo qu'a négligé, négligé. Vie nous qu'a mené en la vie, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Sale. À la tienne, le YP. En train de s'ambiancer. Ok, bon, c'est comme ça. Décalé sur l'ambiance. C'est représente pour l'au-delà. Après, même à taper là. Pas comme un rock café là. Ok, bon, c'est comme ça. Sers-moi un gros café là. Ok, bon, y'a pas de mochaccino ou de sers-moi un mocha. Représente pour tout le monde et même les Saramaka. Aïe, j'parle loin jusqu'à la Guyane. Aïe, je connais déjà trop M6 Montaille. Aïe, 13 ans Al, Canal Sud avec Al. Aïe, tu connais déjà Didiscardi, c'est Al. Aïe, Sanji, c'est Al. Aïe. Français les gars, hein. Et oui il est Al Al. Et oui il est Al Al. Et oui il est Al Al. Et oui il est Al Al. Et oui il est Al Al. Et oui il est Al Al. Et oui il est Al Al. Et oui il est là Al. Et oui il est là Al. Et oui il est là Al. On optimise sur l'instrumental. On optimise sur l'instrumental. Et oui il est là Al. Et oui il est là Al. Et oui il est là. Sous l'instrumental, et oui, il est là, Al. Et oui, il est là, Al. Et oui, on est célébrés. Sous l'instrumental, et oui, on a de oui. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM. On essaie de faire quelque chose, quoi, les gars. Net. Canal Sud, une radio à fréquence libre. Sous la fleuve là, il a sur ça. Can you next? Ok. Et oui, il est là, Al. Et oui, il a sur ça, Al. Excuse-moi, je vais te faire chier. Tu peux nous mettre un truc rap sans botox. Fais next. Juste avant que tu tombes sur un truc. C'est un truc sans botox, ça. Sans botox. Chie. C'est en mode sabotage. Hey, ok. Sabotage, écoute, écoute, je débarque sur le paquebot. Ok, bon, t'es comme ça, je mets ça mal, comme Laurent Gbagbo. Ok, bon, c'est pas grave, j'arrive ici, je remets ça trop, ok. Ok, comme ça, j'arrive ici, et puis je fais brûler le comico. Tu connais déjà, et si c'est seul, Dieu donnait le comique gros. Aïe, aïe, aïe, j'ai toujours en train de rigoler. Trop de gens qui sont posés dans la geôle, et trop de gens qui veulent m'enrôler. Écoute, je fais partie d'aucune armée, t'es pas content, mais à la fin, y'a trop de mal armé. Tu connais déjà, on est tous venus se douiller. À la fin, y'aura côté fruits, bouilles pour se gailler. Donc, c'est comme ça, toujours en train de freestyle. Pas de stylo mais je finirai overdosé. Toi-même tu sais négro, je n'arrête pas de poser. Poser sur l'instru, ouais c'est pas le temps de se reposer. J'arrive ici encore une fois, je remets ça à poser avec Didi. C'est nous le vrai Barça, j'entends parler de 9-4. Mais bon ici c'est 3-1, poser sur le vrai terrain. C'est le 31, c'est Al. Même tu sais, Canal Sud c'est Al. Avec Didi on est posé, c'est Al. Scarji, Sanji, tu sais déjà c'est Al. Al, Al, Al. Il est Al. On est Al. Il est Al, bébé. On est Al. Il est Al. On a sur le mic. Bête Vals pour le final. J'arrive ici, y'a pas de destination. Tu connais déjà, j'attends juste les félicitations. Ok, bon, c'est comme ça, ça étonne la nation. Ça fait mal comme une putain de détonation. Ok, bon, c'est comme ça, écoute, tu connais le tonnage. Ok, y'a comme ça, y'a que trop de mitonnage. Sur ce putain de rap game, tu connais déjà. Ça fait mal, mais bon, je le mal, menga. Aïe, aïe, aïe, écoute, y'a pas de sarcelle. Tu connais déjà, en fait, trop de barésie. Non, désolé, j'entends parler de la Coupe du Monde au Brésil, mais ça excuse les Indiens. Écoute, je voudrais juste ça sur le refrain. J'entends parler de la Coupe du Monde au Brésil. Eh, eh. Écoute, des gens, trop de gens en barésie. Eh. Tu connais déjà trop de faux MC. J'entends parler de Messi, de la Coupe du Monde au Brésil. Sauf qu'ils ont sa raide. Ça au final, tous les jours, man, nous t'es capède. Tous les jours, ça fonde. Poupée honnêteté. Poupée, ça toujours à porter. Tous les jours, pour vivre. Militer, selfie. Tous les jours, garçon, poupée réussir. Investir pour envie. Pour envie. Tous les jours, même si on tout cas détruit. Frère, ne pas qu'à estimer si la chance. Si on fout garçon, mais y'a pas y'en pas ni bon dépense ni conséquence. Frère, nous pas y'en si fréquence. En cas de garçon qui j'en t'y a faux. Mais on toujours aller. Et avec aller. Bébé de le mic. Sur Canal Sud. Canal Sud. Je prends la putain de joint et puis ça y est, on se rejoint. T'es pas content, on se dit à plus tard, on se check à demain. C'est quoi cet instru? J'en sais rien, c'est pas grave, j'arrive ici, je tire le frein à main et je finis en trave, c'est. Intro sale. Hey, ok. Intro sale. Intro crade. J'arrive ici en impro. On fait ça, gars. Que des gros dégâts. Ouais, je roule un gros méga. T'es pas content, va à la bijouterie. Prochaine Omega. C'est ok, posé comme ça. C'est gros dégâts. Posé avec mes gars. Je roule un gros méga. Si t'es pas content, va à la bijouterie. Omega. Il est au Booba. Écoute bien. Je le mets à bas, c'est 100% impro. J'suis venu régler le blême pro. T'es pas content, j'arrive ici et j'suis niqué sur l'intro. Toujours au piqué, occupé. Toi tu fais du PQ pour te saper. Tu veux jouer les 10 gaga. Amassé, tu serais fada. Ok, bon, c'est comme ça. J'entends parler de rap sud, de rap sale, de rap rude. Mais à la fin, c'est road boy. Y'a full ici, y'a Voy jusqu'à la côte d'Ivoire. Dédicace à Diane, les vrais d'un savoir. Ok, j'arrive. J'arrive ici encore une fois, je remets ça, dédicace à Didi. Et puis Al, on est là, je roule un putain de joint posé avec les poteaux. Écoute, c'est hors norme, on dirait un poteau. Ok. Qui donne quoi vivre dans la vie, ne brûle pas, t'es fou, tu peux pas. Garçon, faut assurer derrière ça, si vous-même on peut pas. Dis-moi qui j'en ouvre des jeunes là, faut dis-moi même pourquoi. Qui j'en rassure vraiment derrière ça, et qui j'en veut pourquoi. Pourquoi on va poser mon derrière ça? Faut dire moi pourquoi? Tout ça ou qu'à prendre vas-y là? Faut essayer de moi. Tout ça ou pas dit moi les gens là? Faut essayer de moi. Allez toujours mon nouveau là. Ceux qui viennent à la fin, qui se tiennent pas au parfum. T'es pas content, écoute, t'as rien dans le ventre. On dirait que t'as faim. Écoute, y'a soif, mais ici le rap est abrasif. J'entends parler du Brésil, mais à la fin c'est raciste. Toi-même, tu sais, trop de cistra posé ici. T'es pas content, je te mets 3 buts dans la lucarne. On dirait Messi. Eh quoi, j'suis pas le Messi, mais un putain de missier. Ok, bon, c'est comme ça sur le MIC en train de s'immiscer. S'immiscer, y'a pas de GG Mio. T'es pas content jusqu'à la fin. J't'ai mis à l'envers, gros. Eh. Yeah. Bah, merci encore, hein, les mecs. Je veux dire, merci encore, quoi. Seul, dans nos merdes, dans nos merdes, dans nos merdes, dans nos merdes seuls. Nos merdes le savent. On meurt. Cracher, cracher sur la société, ça tombe le terre des âneries, et ça c'est pas sa faute. C'est comme ça, ça veut pas. Mais pourtant, on veut pas. On veut pas savoir, savoir. C'est la suite avant de le prévoir. On veut savoir, savoir. Oui ou non, c'est la suite avant de le prévoir. On veut pas. Chaos dans l'harmonie. Et on puisse pas le fils. Oh, un petit peu fusil alors, sinon. En mode streaming porn, streaming video, streaming videos, bye. Hey, bye. What up, bye. What's up, hey, what up. Je poserai pas en English, t'es pas content, et à la fin tu l'apprends, ouais, faut que tu me lis. Tes oreilles a du liche, mais c'est attaché comme le bodyboard. T'es pas content, puisqu'à la fin ça débarque en orbe. Ok, bon, c'est comme ça, du mal à expliquer mon comportement. Mais personne tu sais dans ma hortement. Faut pas que tu t'aimes à mal, celui qui passe en T-Max. Jusqu'à la fin sur le fil d'électricité, y'a ta paire de Air Max. Tu sais, c'est en mode blédard. T'es pas content, jusqu'à la fin je te plie avec mon dard. J'suis pas en mode guêpe, mais en mode adepte. C'est le rap, le principe. Et puis j'ai le putain de set, tu sais. What's up, qui? Easy. What's up, niggas. Et oui d'ailleurs, nous conviser, toujours à eux, toujours à eux. Chinatown Prince Boy, hey, see you, cities man. You truck. Hey, cities man. Tu veux le next? Mais t'as fait le tour déjà ou quoi? J'avais déjà. Les gars, 11h30, Canal Sud 92.2, on assure, on est là, l'alcool jamais nous trahira, parce que nous on est derrière ça, on esquive les balles, parce qu'on n'aime pas le danger, tu vois, chaque être, franchement, doit aimer, chaque être, j'avoue, doit aimer, son prochain, son frère, sa soeur, une femme, un homme, on s'en fout, faut aimer. Y'a pas de. Les conneries, c'est de la merde, tu vois. Les policiers, comme ça, là, ils trahissent, tu vois. Parce qu'au final, y'a pas de. Le mauvais mix, c'est dû à ma faute. Je suis vraiment désolé, Al est vraiment pas Al. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, quoi, depuis tout à l'heure, quoi. Hein? C'est comme ça, quoi. Hein? Dis-moi, quoi. Hein? Trois questions posées. Trois réflexions ici imposées. A qu'à essayer, chercher, méditer pour rester posé. Optimiser pour un vrai avenir ou meilleur. Bah la famille, manger, c'est vrai. Ailleurs pour ailleurs. Acteur ou acteur. A qu'avec qui j'en au final, frère, moi, il joue à terre. On finit comme ça. Sing, sing. Music life. Chaque esprit. Méditer si on met le pause. Pas de temps pour payer, pause. Pardon, excusez-moi. Je parle pas la langue, putain, mais nous, bisous. Dangerous, it's Mike. J'assume tout pour ce qui est du mix pourri, c'est moi, hein, vraiment, c'est une nuisance quoi. C'est ça fait partie de la donne, c'est propre quand même, c'est de improvisation, freestyle, c'est mixtape, c'est underground, c'est trip quoi. Fiu, fiu, fiu, fui, on arrive, I see you, hey baby, trip, trip, trip, trip. J'arrive ici, dis-moi de quoi il s'agit. Et qui pas ça. Ok, bon, c'est comme ça, c'est quoi le message? Peu à peu, je deviens sage, ouais, c'est ça. L'apprentissage, ok. J'arrive ici, il est où? Le métissage, que des coups de calage, et puis à la fin, que des lâchés. Ok, bon, décalé, recalé. Et à la fin, on dirait bref, du coupé de calé. Ok, bon, c'est posé sur l'instru, pas le temps de respirer. Je suis bien inspiré, ok, je suis en train de te malmener. C'est un fait de moment, posé avec ma main. Une pensée pour ma main, et c'est bon pour ma. Ok bon c'est comme ça, on se check, on se dit à demain. Ok bon c'est comme ça, fais voir ta demain. Toi qu'on a une dans ta main et une flop. Ok bon c'est comme ça, mon hip hop fait un top. Mais tiens un flop c'est hardcore et dark. Donc c'est pas grave, j'ai plus d'une corde à mon arc. Y'a pas de Jeanne d'Arc, moi c'est bienvenue aux Isards. Y'a pas de trois cocus, bref aka le blazard. Toi même tu sais, ouais tu n'y vois rien. Ce n'est pas grave, puisqu'à la fin tu crois en rien. Ok bon c'est comme ça, je suis accompagné du bien. Aucun nuissier ne viendra m'enlever mes biens. Je manie la langue de monnière, je vais les mots à ma manière. Ok bon c'est comme ça, je te fais sortir de ta tanière. Je prends des flots bizarres, pas tiré au hasard. Encore une fois avec Didi, disposé aux Ziza. C'est, on est toujours là en train de se prononcer. C'était écrit et puis prédit dans l'énoncé. Toujours en train de se cadencer avec du Rémi Martin depuis le matin en train de s'ambiancer. Ok bon c'est comme ça, ouais tu sais. Toi-même tu sais, les vrais sont reconnaissants. J'suis là posé depuis ma naissance. Ok bon c'est comme ça, y'a pas de reconnaissance. Où veni? Où veni? Où veni? Où veni? Où veni? Où veni? À venir. Les moins de sang béni, c'est les moins que tu le fous nos vies. Tous les jours quand tu fous ma paix, ça peut investir par l'envie. Ha, la rue là je suis suite. Mais prenons qu'on fait que tous les genoux on l'arrive pour en vivre. les coups. Au carré j'ai les coups. Garçon nous ni les coups. Pas ni un ni des coups. Pas les moins de tous les jours tout s'en pas les moins de fini. Tous les jours on l'a eu au cambouquet. Hey. Pourquoi? Hey. Coup de coup de coup de. On est Al, posé chez Al, Canal Sud, on est Al, posé chez Al, Lisson G, on est Al, c'est posé chez Al, comme d'hab, Canal Sud, on est Al. Posé chez Al, posé chez Al, t'es pas content, on est Al, un petit peu comme Caponal, et à la fin je te mêle, man, man. Ok, écoute, une pensée pour M-E-L-A-N, et à la fin en y repensant, bref, tu me mets la haine, en train de décortiquer les mots. Dans ma démo, c'est quoi cet instru, c'est pas grave, je règle le blême pro. Toi-même, tu sais, je me suis bien enjaillé, je suis en train de divaguer, enfin de zigzaguer. Désolé, tu vois, j'ai bafou, bafou, bafouillé, c'est pas grave, puisqu'à la fin personne ne m'a douillé. Y'en a qui m'ont planté, mais personne m'a éventré. Écoute, jusqu'à la fin, j'aime bien les meufs échancrées. Ok, bon, c'est comme ça, toujours en train de se la péter. Non, désolé, négo, fais péter le 2,5 en été. Quand même, tu sais, belle pote, belle flotte. Je l'adore, je récolte, je récolte, je récolte. Ma belle plante, je l'adore. J'adore, j'adore. Avec une belle récolte, une belle récolte, une belle récolte. Je peux compter sous mes deux mois et demi. Si on fond demi, garçon, on va faire un business rabat demi. Envie, j'ai envie de fumer tout sous de la weed. Alors dis-moi qu'est-ce que t'as hein. Ok bon c'est comme ça on dirait que c'est pas cher. Ok bon c'est comme ça je prends 100 grammes cash. J'attends une belle récolte. Toi même tu sais y'a pas école, de distillation. C'est comme ça ouais face à l'action. C'est quoi la transaction. Toi même tu sais y'en a qui sont toujours là. Ouais bon, c'est en train de se check. Ouais c'est en train de t'ambiancer. Vas-y fais tourner. J'ai besoin de danser. Danser. Une belle récolte. Quand elle optimise qu'elle me donne un bon tchad. J'aime bien quand elle m'optimise sous un bon pad. Une bonne vibes, une good life. Pas de fast life. J'aime pas optimiser sur le futif. J'aime les choses qui sont constructives. Chacun son bis. Chacun son bis. Chacun sa tisse. Chacun son bis. Chacun sa tisse. Chacun son bis. Une récolte. Une bonne récolte. Une récolte. On t'a mal sur une récolte. C'est ça. Bon. J'adore toujours ma récolte. Tu me parles de récolte. Et moi qui me parle de récolte, écoute en attendant quand je la sors, ne sors pas le gold. Sinon on sera pas potes, t'es pas content si tu veux me baiser. Mais au moins trois capotes, et quoi tu me laisses pas de traces, sinon on sera pas potes. Ok bon c'est comme ça, je vais te douiller par derrière. Je fais du business de diamant à l'envers, ou bien à envers, non. Écoute y'a pas d'Afrique du Sud, toi même tu sais la France Afrique a mis ça à fleuder. Non désolé, y'en a qui me parlent de récolte. Mais le jour où je la sors, négro me sors pas le gold. Sinon on sera pas potes, me baisse pas et Orange Purple Butch. Butch. What's that butch? Bush. Bush. Butch. Butch. Butch. Butch. Butch. Pacific Classic. En mode Tupac Biggie Smalls. Non, laisse ça. Kicks. ça salement et kiffe le moment. Ok, bon, une passage, toi-même tu sais, une pensée pour nos mamans. Tu es avec posé, toi-même tu sais, my man, posé sur le MIC, en train de s'immiscer, my man. J'te m'almène normal en mode hal, posé dans ce mode paranormal, un petit peu comme Capona. Y'en a qui viennent de rentrer juste dans le studio ici. Trop de studio, n'est pas assez de gens studieux. Ok, j'arrive ici et j'pose dans n'importe quelle langue. Écoute, c'est Sanji, soldat de Dieu, futur mon compte, faut pas se méprendre. J'peux t'apprendre, t'en vendre, t'en donner, t'es pas content, passe-moi un MIC. J'n'arrête pas de fredonner, posé avec Scar G, Sanji sur le futuring. On met ça easy, Scar G, Sanji, pour poser sur le futuring. On met ça easy, style free, posé sur Canal Sud. Toi-même tu sais, le MIC on le malmène. Rude style free, posé sur Canal Sud. Toi-même tu sais, le MIC on le malmène. Super, pour faire en ma papa de repère. Super, faut faire, dans la vie c'est comme ça. So clean, so fresh and do you want so dead? Eh, non désolé mais à la fin tu finis en dette. Ok bon c'est comme ça, tu veux te la péter. Non désolé, c'est un gros sac qu'il faut endosser. Tu lâches des dossiers, des encyclopédies. J'suis encycloté en booster, j'te le casse dédié. Toi-même tu sais, j'suis là posé en mode écolo. Tu veux te la jouer avec ta meuf en mode gros lolo. Mais négro, ça tombe, t'es pas content, j'te plombe. Écoute-toi et moi on se rejoint droit, même tu sais à la tombe. Écoute sur mon compte, faut pas se méprendre encore une fois. Tu ne sais pas, ben écoute, j'peux te l'apprendre. Mon blague, j'peux te le rappeler. Écoute, j'peux te l'épeler. T'es pas content jusqu'à la fin, j'veux toujours pas du rap zélé. Que du rap de Zoulou. En monde de j'prends un putain de billet. Et puis ça y est, j'n'ai plus qu'à me casser. J'ai plus qu'à dégobiller sur ce putain de système. Encore une fois sur ma tombe, y'aura que des chrysanthèmes. Pas de chrysanthèmes. Ok, bon, toujours la poser. Toi même tu sais, Scar G, j'aille me reposer. Al, Super, tous les jours à son père, faux père, garçon au grand papier, il voit père, garçon au grand papier, poupée. Ça c'est la violence à l'état pur. Tu nous dis tout à fait plaisir. Because I just wanna two shot and one shot. Ah ouais. Tu peux encore la remettre à zéro parce que l'intro elle est trop courte. No. Ok. I'm so easy. Happy face. Ok. Canal Sud, Al. Ça sent les barreaux. Et ouais, faut se détendre. Hey. Posé sur le beat, c'est déjà, je vais te détendre. Hey. Ok, écoute. On est là posé, Canal Sud, tu sais déjà. J'arrive ici et puis c'est 100% Denja. Je suis le seul du gang à croire Ranja. C'est pas grave, puisqu'à la fin, dernier danger à passer. Ok, bon, c'est comme ça, trop de gens vont trépasser. Je n'ai plus qu'à te repasser. On parle de toi au passé. Je suis en train de transgresser les règles d'ici. C'est pas grave, puisqu'à la fin, je mets 3 buts comme Messi. Ok, j'arrive ici et puis je remets ça encore une fois. C'est 3 buts dans la lucarne, c'est le Barça. Écoute ce son, j'espère qu'il est enregistré. J'espère qu'il est record. Écoute, c'est ça, sort un record. Et j'arrive ici. Écoute sur le refrain, j'arrive ici, tu sais déjà c'est Scar G, c'est le train. Écoute, c'est le locomotive Moscou. T'es pas content du coup, Mos Def, on te casse le cou. Et si on sort, j'ai ton fille, si on prend bien. On croit qu'il y a au final, faut faire ça des bouillants. Tous les jours nous sortons bien. Tout à l'heure qui arrive, tu joues en rien. Quelque comme est ça, señorita, je t'ai ta. Manitone, nous coûte des seins. comment est-ce ta peine. C'est de ouf, t'écoutes pas, écoute j'arrive, t'étouffe. T'es pas content puisqu'à la fin, sans ce neuf t'es ouf. J'arrive ici et puis jamais je ne fais ça. Bâtiment et dans le bâtiment, et à la fin t'es dead gars. Ok bon c'est comme ça, on met que des dégâts. J'pète un gros dégât, représente pour mes gars, pour mes renégats et puis aussi pour mes négats. Désolé puisqu'à la fin, j'te montre juste mes doigts. Si c'est comme ça, et Kokomo est ça. Bling bling si place là c'est ça. Pas ni un yéka changé moi ici au poulet. Akaba qui j'ai yot tu yot trop belé. Si vous fouillez que c'est vous même toujours poulet. Pas ni un yéka changé ce sont nous qu'on écoute. Tant que nous qu'on passe un lari là c'est vrai. Et tous les jours qu'on font me pétard. Ponte. Mais tous les jours qu'on me exploite. Akaba qui j'ai au final qu'est au final nous qu'on s'y ponte. Au final va nous pèser toujours en lari. Tout fait ça pour pèser un débrouillé. Viens à la rue, tchèque à danser. Avec Jean-Novie, Bibli, elle veut m'en monter. Bibli, elle veut monter. Dans la vie vaut mieux être déterminé. Car quand t'avances, c'est sur un terrain miné. Trop de barrages à passer et de têtes à fracasser. Deux fois plus de terre pour avancer avec un sale passé. Mais je continue de ramasser. Ici y'a plein de gens qui ramassent le temps. C'est de l'argent et l'argent y'en a pas assez. Tous en train de se pousser en espérant que les agents nous laissent passer. On a chacun son espace mais certains restent pas en place. C'est des coups de calage pour le pouvoir et le palace. Ouais les petits motifs quand les grands paradis ici. Des terres pour plein de choses mais ce que je vis c'est le paradis fus. Et pour l'atteindre c'est difficile car y'a plus d'un vice ici. Je suis déterre comme une mission ou comme un missile. Mais je décide de m'arrêter avant l'homicide. C'est aïe. T'entends pas Canal Sud toujours la posée. On est hal. Posé avec Scar, Sonji, on est hal. Canal Sud on te met bien. On t'enferme dans la malle. T'es pas content puisqu'à la fin on marque les annales. Hey. Topi nous qu'a profité. Ligue avec tous les jours qu'elles sont pas au pétard. Toujours qu'à porter. Ou qu'a fait qui j'en yoye. Topi on met tous les jours en la vie. Qu'a joué. Akawe qui j'en au final yo t'y ni mauvais pensée. Oui yo tout à yo la ka douté. Yo passe avec à nous yé. Yo passe avec à nous yé. Si yo ponte. Mais tous les jours faut s'y porter. Trop vie qu'a fait que tous les jours on la rue. Ou qu'a ponte. Garçon ou coupé à abandonner. Y'a dans la vie tout ça ou qu'a mené. Si s'y porter. Ciao bye bye. Aïe. Excuse-moi, je peux te soumettre une dernière question. Vas-y, ouais. Je vais te demander, mais alors un truc, ça va te faire chier, je sais déjà. Est-ce que celle-là, juste, tu peux la remettre? Celle-là, une dernière fois, alors. Et on dit au revoir à tous nos auditeurs et on passe à autre chose. Je veux juste que ça marche. Attends, je vais t'expliquer pourquoi je te demande de mettre celle-là. Parce que celle-là, je l'ai cherchée depuis un bout de temps. Elle s'appelle Party to Damascus. C'est un son de Wyclef Jean et Missy Elliott. J'ai jamais écouté le son, mais l'instru, je l'ai déjà entendu sur un son, pas d'eux, mais de l'escadrille. C'était violent. Et vu comment l'instru elle donne, je me suis dit, il faut qu'il fasse ça salement. Et j'ai bien envie de remettre ça parce que c'est. Voilà. C'est pour toi, Al. Al, c'est pour toi. C'est pour nous, Canal Sud, c'est pour toi. Ouais. Son Scar, c'est pour toi, mon frère. C'est pour nous. Et la famille, vous savez déjà, la mienne, la sienne. Ceux qui connaissent, ceux qui écoutent, et les gens qui nous aident à être là, parce que c'est pas tout seul. 2014, France Métropolitaine, Canal Sud, la famille, et... Scar, tu t'occupes du refrain? J'essaye. T'essayes? J'essaye. On se fait signe? On essaye. On se fait signe, on se dessine. T'es pas content, on passe à l'usine. On dirait on meurt ta musique, mais c'est le meurtre à l'usine. Hey. Ok, t'entends pas ou quoi? Je me souviens juste de ça, c'est... Ok. 100% freestyle, je mets les coudes à la taille. Que du cassage de rataille, t'es pas content puisqu'à la fin je te kick en mode box style. Y'en a qui veulent me dire en mode lève des mots. C'est pas grave puisqu'à la fin je pète tout dans ma démo. Ok, j'arrive ici et encore une fois je remets ça. Oh, tu sais déjà Canal Sud, on aime du dégoût mais ça sale. Ok, bon c'est comme ça, j'arrive ici, le mic les mains. Ok, bon c'est pas grave, mais dis-moi ici qui ment. Hey, salement posé, toi-même tu sais déjà, c'est pas le temps de se reposer. J'ai du mal, on dirait que l'alcool m'a overdosé. Puisqu'à la fin je suis toujours là, posé en train de te doser. C'est... Ça c'est vrai, hey, top fille qu'a rébellé, fille en nous qu'a mené. Et tous les jours qu'a rébellé, ça c'est vrai, vrai. Tous les jours qu'a compté, si y'en des frais, vrai. Tous les jours qu'a compté, si y'en des frais, vrai, vrai. Si y'en fout non mille ans, ou pas vrai qui j'en a là, il a qu'à son fort. Ou fait ça toujours des bouillants, toujours des bouillants. Ou pas vrai qui j'en ça y est là, toujours ensuite là. Nous la qu'a survive, pas d'ailleurs qu'a essayé de t'en faire semblant. Ou pas vrai qu'a fait semblant. semblable. Salement, salement, comme la bataille contre les Allemands. Tu sais déjà, Canal Sud, on met ça salement. Je représente Boal, Escardi au passage. 100% improvisation, tu connais le message. Vaut mieux que tu t'assagisses, débarque dans la place. Dis-moi de quoi il s'agit, vaut mieux que tu t'assagisses. Tu connais déjà, je débarque dans la place et dis-moi de quoi il s'agit là. Ok, bon, c'est comme ça, j'espère que t'es agile. Sinon, je vais te modeler comme de l'argile. Tu sais déjà, c'est 100% freestyle. Pas besoin de stylo, que les coups à la taille. En train de kicker, poser ça salement. Avec Didi, tu sais déjà, je kiffe le moment. Une pensée pour ma maman et surtout pour la sienne. T'es pas content, salope, vaut mieux que tu restes en chien. C'est même une fois, Canal Sud, tu connais le maniement. C'est pas grave, dis-moi ici, mais dis-moi qui ment dans le bâtiment. Trop de bâtiments, c'est pas grave, c'est dément. On dirait que le démon fait des choses démentielles. Je suis en train de m'amuser avec une boîte séquentielle. Écoute, moi c'est comme ça, je prie encore une fois le ciel. T'es pas content jusqu'à la fin, je veux juste un arc-en-ciel. Ok, faut juste me faire souffler. On est passé dans le gouffre, on est comme du soufre. Hey. Faut juste que je reprenne du souffle. Et je repars en train de kicker. Tu connais déjà, toujours en train d'être au piqué. Toujours au taquet, en mode en train de te contre-attaquer. Ok, bon, c'est comme ça, toujours, toujours au taquet. On dirait le 31, posé avec ma horde. T'es pas content puisqu'à la fin, tous pendus sur la même corde. Mais tous sur les mêmes marques, on est en train de se dédoubler. Regarde dans ton proviseur, tu me vois plus, je suis en train de te doubler. C'est. Si on fout des gars, toi, mon gars, on fait un gayo de. Et on va me voir encore. Et si on fout pas d'accord, on va me dire, on fait un gayo de. Pas jamais même d'accord, et si on pille, et si on fout le billet, ou comme qui j'en ou comme ni t'en cassier, si on pille, t'es pas oublié, ni les faux ennemis qu'avec elle va jouer, et si on pille, t'es pas oublié, pas en ou comme qui j'en nous a donné, et si on pille, t'es nous carrié. I see you, baby! Salmon, salmon, comme si tu connais le maniement. Oh. 9, 8, 7, 6, tu connais déjà un putain de VR6. 12.2 Canal Sud, Scardi, Sunji, c'était annoncé. Tu connais déjà et c'était écrit dans l'énoncé. C'est ambiance. Je t'ai merci. Bon, vraiment merci, vous êtes les bienvenus, vous savez. Hein. Bah, si, si. Bah, oui, merci tonton, désolé pour les embrouilles de Non, laisse tomber, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça, franchement. Voilà, justement, il n'y a pas d'histoire. Merci encore à toi. Ouais, mais franchement, il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire, mais bon, non, c'est pas cool. Normal quand on arrive jusque-là, donc voilà. Ouais, mais ça, c'est la vie, ça. Scar, c'est la vie. À la tienne, mon frère. Vas-y, à nous, les gars. À nous, ok. Ouais, à nous, grave. Et putain, j'ai pas mal à boire. Attends, je reprends une petite dernière, il reste une goutte. Bon, bah, ça continue avec Nuisance, la musique bruitiste, c'est-à-dire la musique faite de bruit. Encore une fois, dédicace pour Al, excuse-moi de te couper, non. Dédicace pour toi, parce que franchement, c'est bien des types comme toi, on n'est pas forcément dans le même délire musical, mais tu fais avancer le mouvement. Et merci, Canal Sud. La musique, pour la musique, pour être musicien et faire de la musique, faut être éclectique, et tu fais partie de ces gens-là, big up à toi, mon frère. Merci, mec, toi aussi. Super, super. Allez, vas-y, merci à Canal Sud aussi. Vraiment. Merci Canal Sud, mais ça, je l'ai dit plein de fois, mon frère. Ouais, dis-le encore, il faut, il le faut. Ouais, mais c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Ça marche. Allez, vas-y, les gars. À la prochaine. Yes, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, Canal Sud. Check. Et tout le monde aussi.